manger, faut pas trop leur en demander non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Faut se reposer, faut kiffer la vie aussi un peu. Merci pour ta question en tout cas. Ouais, merci. Et en tout cas, sur Vince KFC, si on peut t'aider en quoi que ce soit. Mais attendez, mais. J'adore. Avec plaisir. Et mais Xbox, ils sont en train de danser, ils sont en train de retourner le stand. C'est un truc de malade. Heureusement qu'il reste que quelques minutes parce en fait, que là, je pense que ça va être de pire en pire. Xbox, c'est par phase. Ils épuisent les gens jusqu'à ce qu'ils en puissent plus, puis ils font des pauses de 15 minutes et puis ils recommencent. Ils donnent des cadeaux et ça ouais, se permet ouais. De ouais, balance des jeux. Rester éveillé, ouais. Et les garçons, est-ce que vous avez déjà fait du BMX? Moi, jamais. Jamais. J'en ai testé un peu petit, mais vraiment, je ne peux pas très doué. J'étais pas trop fort. Ouais, c'est quand même sympa, quoi. Le vélo, en tout cas, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et nous, on en offre un. Ce soir, c'est grâce à l'artiste Cameron. On va l'offrir. Ça va être soit Gaëtan, soit Léa qu'on va accueillir maintenant. C'est les deux joueurs de la soirée. Bonsoir, Gaëtan. Le challenge. Salut, Marion. Salut, Enzo. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, t'habites Dieppe toi? C'est ça exactement, ouais. Ça va la vie à Dieppe, c'est sympa? Bah écoute, ça va, nickel. Hein. Bah on est avec toi mon pote. Courage. Face à toi, on a Léa de Dijon, bonsoir Léa. Salut les filles. Alors Léa, je t'invite à hurler dans ton téléphone, histoire de rassurer un peu. Ah c'est incroyable. On est en bas à l'union. Bon, alors Gaëtan, Léa, la règle est très simple. Puisqu'on est à la Paris Games Week, il va s'agir d'une question forcément portée sur le gaming. Je vais vous poser la question. Le premier qui pense avoir la réponse donne son prénom. D'accord? C'est comme un blind test, il faut donner son prénom avant. Et après, on verra si vous avez la bonne réponse. Ok? Ok. Attention, je serai intransigeante sur les prénoms, les gars. Alors, la question est la suivante. Selon vous, quelle est la console la plus vendue de tous les temps? Gaëtan. Gaëtan en premier. Gaëtan. La Nintendo Switch. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que Léa, tu as une proposition? La console la plus vendue de tous les temps, celle qui a vraiment fait le plus de chiffres? Alors je dirais la Super Nintendo. Non plus. On repasse à Gaëtan. Bah les gars quand même. Gaëtan, à ton avis, ça peut être quoi? La PS2. Et c'est gagné. Bien joué. Bravo. Bravo. Ah, t'as eu de la chance. Super. Ah, bah, tu vois, j'aurais dit la PlayStation 4. Je suis super content, merci. Alors, Anso, la PlayStation 4, elle est encore un peu trop récente. Ouais. Je pense peut-être que plus tard, ça le sera. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la PS2 qui détrône toutes les autres consoles. Gaëtan, on t'envoie le BMX à la maison. Ah, c'est énorme, merci beaucoup. Bah, tu sais, nous, dès qu'on peut faire plaisir, la main sur le cœur. Hein. Oui, Flo. La deuxième console la plus vendue, c'est la Nintendo DS. Elle est pas très loin de la PS2. Ah ouais, bizarrement. Ouais, enfin, mais elle est pratique. Étonnamment. C'est portable, quoi. Gaëtan, on t'envoie ça à la maison. On te fait un gros bisou. Et toi, Maléa, désolé, mon chat, tu t'es bien battu, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci, les filles. Bisous. On t'envoie un joli pack Fun Radio. Salut, Léa. Au revoir. Salut. Oui, Pablo. Alors, juste grâce à Cameron, on a offert un BMX. Ouais. À Gaëtan et Cameron vous offre aussi les filles un cadeau chacune. Oh mais c'est trop gentil. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Courant. Il y a des petites boîtes. C'est juste le passeur. C'est une religieuse. Mais Cameron vous offre un cadeau aussi. Ah, c'est un bijou. Et nous on va se faire foutre. Enfin moi c'est une pochette vide mais. C'est une pochette vide. C'est vrai. Pas mal. Non, je rigole, il y a quelque chose dedans. C'est hyper c'est mignon. Trop gentil. C'est très gentil, mais du coup, c'est un peu gênant pour Vin Sky et Arsène qui repartent les mains vides. Ouais, mais il est trop sympa, ce Cameron. Bah ouais, c'est. Voilà. Bah merci beaucoup, ça fait grave plaisir. C'est très mignon, c'est un petit bijou. On va trouver quand même un cadeau pour nos invités. Tiens, oui. Regarde, il y a le journal de la Paris Games Week. Ah bah tiens, je dois avoir un reste de sandwich. Arsène, c'est pour toi. Bah, franchement, je suis très fier d'avoir. Vin Sky, t'as le plan de la Paris Games Week. Merci beaucoup. Présentation, c'est parfait. Franchement, on a passé un super moment, les gars. Est-ce que vous avez peut-être un petit message pour vos communautés, pour remercier les gens qui vous suivent, n'hésitez pas, hein. Vas-y. Simplement les remercier de tout leur soutien constant sur toutes les vidéos, tous les lives qu'on fait régulièrement et espérer que ça continue et que ça ne cesse d'augmenter. Voilà. Okay. Voilà, et moi pareil aussi, merci beaucoup. C'est toujours basique hein, ce qu'on dit, mais bon, c'est, on ne peut pas dire plus. Mais merci beaucoup de nous suivre au quotidien et de nous soutenir, à soutenir les projets. Et on va guetter, on te félicitera pour le million. Le million, ouais. Ah bah ouais. On va guetter. Dans quelques heures maintenant. Là. Ouais. Et pour le coup, si vous voulez venir dans les studios radio faire une émission avec nous à Paris, franchement, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Ok, parti, ça marche. Et merci beaucoup d'être venu nous voir, Wiflo. Alors le problème, c'est que dans les studios de Fun Radio, on amènera aussi le stand Xbox. Ça, c'est pas dans le deal. Non. en faire un... Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission depuis la Paris Games Week. Si vous voulez continuer à venir sur le salon, ce sera jusqu'à mardi. Le stand Fun Radio reste là. Il sera animé en plus avec des consoles, des petits tournois et tout. Donc ça peut être toujours sympa. C'est les vacances. Prenez un petit coat, un blablacar. Enfin, ça prend deux secondes, quoi. Il y a plein de choses à voir. Il y a beaucoup, beaucoup de stands, beaucoup de choses à tester. C'est assez cool. Et moi, je vous conseille vraiment le stand Fortnite. Ouais. Un kiff de ouf. En tout cas, sur le stand Paris Games Week, c'est Rémi qui sera avec vous jusqu'à mardi. Puis là, nous, on vous embrasse très fort. On vous retrouvera demain soir en direct dès 20h sur Fun Radio. Et tout de suite, on retrouve toute l'équipe de Love in Fun. Au revoir. Au revoir. Bisous. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Et oui, c'est une nouvelle semaine qui commence, on est dimanche soir. Alors c'est l'ambiance dimanche soir, hein, je vous le cache pas, voilà, avec les grands froids qui sont de retour, hein, franchement, putain, il fait, ça caille, oh là ça là y là, est c'est quoi. Dur, hein. On est passé à l'heure d'hiver, on a gagné une heure cette nuit, hein, putain. J'aurais bien voulu faire l'amour pendant 7 heures, mais il n'y avait personne dans mon lit. Ah oui, c'est l'occasion de tenir un peu plus longtemps, quoi. Ah, bien sûr, c'est ça. Tu sais, en fait, à 3 heures du matin, tu repassais à 2 heures et tu pouvais dire à ta nana que t'avais tenu pendant une heure, quoi. Ah non, justement, c'est ah non, merde. Ah putain. Ah mais oui, ça marche même je pas. Je t'ai piégé. Oh putain, vivement l'heure d'été. Ah mais non, il n'y en aura plus. On est très content d'être avec vous, j'espère que vous allez bien. On va passer 2 heures ensemble, 22h minuit, tous les soirs du dimanche au jeudi. C'est votre émission, vous pouvez d'ores et déjà commencer à nous appeler. Vous savez qu'ici, on n'a pas de tabou. On parle de tout, sans complexe, au 01 42 48 5000. Totale liberté avec vous tous, vous toutes. Et avec l'équipe, bien sûr, de retour de week-end. Bonsoir Doc. Bonsoir. Ça va Doc? Très bien. Un bon petit week-end? Oui, très laborieux, j'ai beaucoup travaillé, mais... Oh, allez, non, c'est vrai, j'ai bossé jusqu'à ce matin. Donc, ah c'est vrai, putain. C'était d'astreinte téléphonique. Ah bien sûr. Et un concert dans le week-end. Ah, un concert. Ah, ben voilà. Vivaldi, forcément. Non, Asaf Avidan. Ah bah oui, ah bah oui, nous avait dit. Ah oui, tout à fait. Alors c'était bien ou pas? Très bien. Très émouvant. D'accord, ben voilà, un artiste dance chialé, floor. Donc. Bien sûr. Non mais c'est vrai, mais t'y allais avec quelqu'un ou pas? Non, là sur le coup, j'y suis allé tout seul. Là. Ah ouais? Ouais, c'était un kiff. D'accord. Mm. Bonsoir Alice. Bonsoir. Moi aussi, t'étais seule ce week-end? Bah oui, j'étais seule, mais c'était pas fallait m'appeler. Bah, en fait, j'étais malade. Ah ouais. J'étais censée faire plein de trucs ce week-end et au final, je me suis juste, mouchée vert et puis je suis restée au lit, quoi. Ah, tu devais aller au Comic-Con. Oui, exactement. Et j'ai même pas pu y aller. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez été, envoyez-nous des photos sur le Facebook de l'émission. Ah, et Alice va offrir ses places. Ah, bah non, ça y est, c'est terminé. Oui. Ah, merde. Putain. Et moi aussi, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que tout le monde devait faire un truc ce week-end et il a pas fait. Bah, sauf Doc, quoi. Doc, ouais. Il tient sa parole, lui. Hein. À la Paris Games Week et puis j'ai acheté Red Dead Redemption 2, et du coup j'y suis pas allé. Bah, bonsoir, bravo. Bonsoir Kassim. Salut. T'as passé un bon week-end toi? Ah bah moi j'ai déménagé ce week-end. Ah mais on a vu, ah on ouais, a vu, on a oui. vu. Ah, on n'était pas dispo Kassim. J'ai pas vu ça. Hein. Non, mais Alice était malade, moi j'habite à 300 km. Oui, c'est vrai. Mais par contre on a vu Coco qui t'a aidé, Coco du standard. Ouais, il a porté des cartons et des machines à laver, tout seul à main nue quoi. Oh là là. Putain, mais quelle bête ce mec. Ah, ouf. Ça va Coco? Ah, ça va super, mais par contre j'ai pas été payé samedi. Bah oui, c'est normal. Bah non, tu sais qu'il y avait rien. Pas à manger, pas à boire. Rien. Alors ça, c'est pas cool. Pour un déménagement, il faut toujours prévoir un peu. Bah oui. La mère de Kassim qui dit à la copine de Kassim, donc sa belle-mère en ouais, soi, ouais. Elle lui dit je me sens déshydraté. La meuf de Kassim lui dit ah oui, c'est vrai, moi aussi. Elle a même pas servi un verre d'eau. Rien du tout. Ah bah voilà comment on est reçu chez Kassim. Ah bah oui. Ça m'étonne pas, t'es une vraie pince. Ah bah attends. T'es encore pire que moi en fait. Ah bah complètement, bah oui, j'assume complètement. Ça va Méloche? Méloche du standard, ça va? Ça va super, merci. Bon, Méloche, on fait un petit tour là de tout le monde, on a envie de savoir. Est-ce que toujours rien. Ah, désolé. Ah, bon, on en est à combien de jours sans faire l'amour? J'arrive plus à calculer, c'est trop long là, c'est plus calculable. On est au-delà de 560 si je ne m'abuse. Ouais, un truc comme ça. Non mais pour les 600, faut faire un truc là. Bah, ah, je vais finir par me dévouer. Hein. Non mais, voilà, On attend le 600e jour et on y va. Ok. Allez, c'est parfait. Bon, mais alors ce sera juste pour te faire plaisir, bien sûr. Voilà, juste pour m'aider. Okay. Bah, voyons. Et on fera une vidéo, bien sûr, qu'on ne vous montrera pas. Bonsoir Dorian, notre auditeur du soir. Salut Karel, salut Alice, salut Doc. Salut. Bonsoir Dorian, t'as 18 ans et t'es à Lyon et tu vas faire l'émission avec nous ce soir. C'est ça, je suis très très content d'être ici, hein. Deux heures de plaisir encore comme tous les soirs. Tu t'en sais, ça se trouve ça va pas être bien ce soir Dorian. Oh, si, tous les soirs, j'écoute tous les replays. Ah oui En fait moi je suis carrément tous les midis, ouais. Je suis isolé de tout quand je finis les cours en fait. Je me mets dans ma voiture. J'éteins les lumières et puis je me mets un replay de Love in Fun de la veille, quoi. Oh là, ça a l'air grave quand tu dis ça. Pourquoi t'éteins les lumières Ah non, rien de tout ça. Ok, non mais c'est cool Dorian, fidèle auditeur et comme beaucoup, bah, tu nous écoutes aussi en replay sur l'application Fun Radio. Dorian, si tu connais bien cette émission, tu sais ce qui va s'y passer. Tout est possible ici, bien sûr, il y aura l'examen pour gagner le diplôme Love in Fun. Et puis toi Dorian qui va commencer à choisir la musique, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'aimerais bien le nouveau Marshmello. Marshmello, l'homme masqué. Ah ouais, le feu cette musique. Ah carrément, trop d'accord. Happier, dans l'émission aussi avec Kenu Silva, Fine Day. Est-ce que t'as entendu le nouveau Niels Van Zandt? Moi? Ouais, toi? Ouais, je l'ai entendu, c'est vrai que... À vrai dire, cette musique aussi, c'est Future Tube. Hein. Future Tube, c'est Dorian qui vous l'aura dit. C'est On My Way qu'on va écouter là, ce soir dans l'émission. Et on va accueillir Guillaume, si t'es d'accord, Dorian, bien sûr. Oui, pas de soucis. Eh j'avais entendu en replay. Ah bah, et tu connais Guillaume en plus. T'as 25 ans et il est de Lille. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, l'équipe, ça va? Salut. Salut. Salut à toi, Guillaume. Guillaume qu'on connaît bien, puisqu'il est déjà passé sur l'antenne. Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi t'avais appelé Guillaume? Bah, je vous avais appelé parce que ça faisait 3 mois que j'étais avec ma copine et mon entourage me disait toujours des petites alertes en mode fais gaffe, on n'a pas trop confiance en elle, on a l'impression qu'elle profite de toi, en plus t'es du genre à offrir facilement, donc il m'alertait un peu souvent, mais bon après c'est vrai que quand t'aimes tu fais pas trop attention. Et ouais. Je vous remercie encore parce que grâce à vous... Attends, et dis pas tout Guillaume, on va réécouter. Ah parce que là il nous fait la chute. Non Guillaume, on va réécouter ce qui s'était passé parce que tu pensais peut-être que ta nana était une michto, tous tes potes te le disaient. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on t'a dit appelle-la pour lui demander un petit peu d'argent, voir comment elle réagit. Je vous propose d'écouter cet appel et juste derrière tu veux nous dire ce qui s'est passé après l'appel. Ça va. Allô. Salut Malulu, ça va? Ouais. C'est Guigui. D'accord. Je voulais te poser une question, en fait, j'ai une opération aujourd'hui qui s'est mal passée sur mon compte et j'ai appelé ma banque, mais il faut qu'ils fassent une gestion et ma carte a été refusée et je voulais savoir si c'était possible que tu m'avances 500 euros pour que je puisse finir le mois. Pardon. Bah pardon, ouais, après t'inquiète pas, hein, je vais te les rendre, de toute façon ça fait 3 mois qu'on se connaît, on est ensemble, je t'aime énormément, donc je voulais savoir si tu peux juste me prêter 500 l'espace. La transaction, je sais pas ce qui s'est passé avec la banque, mais que les comptes se remettent correctement. Ah, c'est des grosses blagues. Alors, primo, tu me déranges parce que je suis occupée, tu vois. Deuxièmement, c'est pas à moi de faire ça. Bah, attends, c'est juste un prêt. C'est pas, je te demande pas non plus, quoi. Non. Ouais, bah, pourquoi, et pourquoi tu pourrais pas me les avancer? Parce que c'est pas à moi de le faire. Bah, je sais pas, moi quand je te paye une chaussure, t'es pas contente, limite à la rigueur, dans ces cas-là, revends une paire de chaussures et... Ouais, je te mets pas le couteau sous la gorge non plus, Non, mais bon, c'est pas un cadeau que je te demande, c'est juste qu'il y a une transaction qui se passe mal, ma banque, ma carte, elle ne passe plus, donc bah voilà, c'est juste que je voulais savoir, je me pose quand même des questions sur le fait que tu veux pas m'avancer, quoi. Bah ouais, mais non, non. Bah écoute, c'est sympa de ta part. Je vois qu'on peut compter sur compter sur toi et ouais, je sais pas ce que ça veut prouver, mais en tout cas, c'est pas cool. Bah écoute, je sais pas ce que c'est ce que ça veut dire. Ouais. Si tu commences comme ça, ça va pas le finir. Bah non, mais bon après, t'es avec moi pourquoi? Alors t'es avec moi pour mon argent en fin de compte, parce que j'ai l'impression que le fait de te demander un dépannage, c'est justement un truc impossible, donc. Dis pas ce que je dis pas déjà Ok. Bah écoute, j'ai l'impression que ce que j'avais entendu avec mes potes, ça doit être sûrement vrai, c'est que t'es avec moi pour ça, quoi. Juste faire la belle, dire en fin de compte j'ai un nouveau sac par mon copain, j'ai l'impression que ça sert à ça en fait. Donc je suis vraiment déçu. Bonsoir Lucie. Allô, ouais. Salut, alors moi comme ça là, de loin et tout, j'ai pas l'impression que Lucie est hyper amoureuse de toi. Mais bon, Lucie, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Ça va? Et rassure-toi, on a plein de cadeaux. On a plein de cadeaux. J'ai des télé 16/9. Des sacs Fun Radio. Des sacs Fun Radio. Des lunettes de soleil aussi. Bon, c'est pas trop la saison, non, mais. De ma gueule là. Pas du tout, pas du tout, Lucie. Un chouïa, un tout petit chouïa. Non, franchement, c'est juste pour rigoler. Écoute, on va être sincère, hein. Comme on l'est toujours dans cette émission. Guillaume, il nous a appelé, il nous a dit voilà, j'ai des doutes un petit peu sur ma nana. Moi, je suis vraiment à fond sur elle, hyper amoureux d'elle. J'entends beaucoup. À droite, à gauche, des amis, des potes, voilà, que je connais depuis des années, qui me disent, on a l'impression qu'elle t'utilise un petit peu, ne serait-ce que par rapport un petit peu à ton fric, ton argent. Et ce qu'on s'est dit, c'est, Guillaume, tu l'appelles, tu lui dis que t'as plus d'argent, parce que Guillaume a encore plein d'argent, ne t'inquiète pas. Elle avait l'air déçue, hein, quand même. Et du coup, tu lui fais croire pour voir si elle pourrait te dépanner de 500 euros. Qu'est-ce qu'on entend, Lucie? Après, je te laisse parler. On entend une nana qui est désagréable, qui en a rien à foutre, de savoir quoi que ce soit sur la situation. Tu veux pas le soutenir, en tout cas, ça, c'est voilà. Sûr. Et on sent que il te dérange, je sais pas ce que t'étais en train de faire. Donc, moi, j'ai pas l'impression d'un couple qui s'aime, déjà direct, hein. J'ai l'impression que Guillaume, il appelle Lucie et que ça fait même pas deux jours que vous connaissez, en plus vous faites la gueule. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire si tu acceptes de parler, bien sûr, hein, Lucie, là-dessus, quoi? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se respecter, quoi, non? Je sais pas. Bonsoir. Je suis occupée avec mes copines, donc déjà ça. Enfin, je lui avais dit que j'étais pas disponible ce soir, que j'étais avec les filles. Et pourquoi t'es désagréable, en fait? Parce que là, je suis occupée, donc j'attendais pas, et puis il m'a appelé en numéro masqué, pourquoi il m'a appelé en numéro masqué, Ouais, non, mais attends, et ça, c'est quand t'es amoureux de ton mec, t'en fous qu'il t'appelle. Je suis sur le délire d'être la radio, mais enfin. Bizarre, non? Hein? Comment t'es avec lui, comment tu lui parles et tout, tu vois, la façon dont tu lui parles, il n'y a pas de. On dirait qu'il n'y a rien. Enfin, je lui ai dit de pas me déranger ce soir, quoi, là, tu vois, il me dérange, quoi. Et est-ce que ça t'a dérangé le fait qu'il te dise que il avait plus d'argent et qu'il fallait que tu le dépannes? Parce que t'as tout de suite réagi comme si non, ça avait pas sa place, c'est pas à moi de te dépanner. Enfin. Bah ouais, normal. Pourquoi normal? Parce que c'est à lui, par exemple. Par contre, si toi t'avais besoin, il serait dans l'obligation de te dépanner, non? Bah je sais pas. Bah oui. Bah, dans un couple, on fait pas ça. On s'entraide pas l'un l'autre. Ça doc, bien sûr. L'entraide, l'important. Ouais, sûrement, mais ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Ça peut arriver, il peut le demander. Mais, il est amoureux. Parce qu'elle est chiante. Il est amoureux, donc. Au bout de 3 mois, il te paye quand même des trucs de fou. Il nous a dit qu'il te faisait des beaux cadeaux et tout. J'ai une petite question, Lucie, comme ça, juste genre entre filles. Est-ce que si demain, il n'avait plus d'argent à consacrer pour ses beaux cadeaux, est-ce que cette relation t'intéresserait un peu moins? Bah ouais. Ok. Ah bah au moins. Le coup du entre-fille, ça marche bien. Et pas besoin de faire de piège. Alors moi je te pose la question. Elle aime les cadeaux. Lucie, si Guillaume n'avait pas du tout d'argent, hein, est-ce que tu serais avec lui là aujourd'hui? Je sais pas. Ça joue, ça fait partie de la relation. Je sais pas, mais c'est après, non. Faut pas être hypocrite. Il y en a beaucoup. Je sais pas, c'est non. Non, mais faut pas être hypocrite aussi. Il y en a beaucoup, qui se mettent en couple et parce que il y a une situation, il y a aussi quelque chose. Ça peut jouer, mais avec une famille aussi un peu aisée. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui. Ça fait partie des critères, en plus de l'entente, etc. En plus de. Mais c'est bien d'assumer, en tout cas. Au moins, tu nous le dis clairement. Après, que ce soit juste pour son argent ou alors parce que le fait qu'il t'offre des cadeaux, ce soit un plus dans votre relation, que ça vous rapproche, que. Enfin bon, voilà, j'essaie de te défendre un peu, hein, Lucie, hein. Mais je sais pas. Après, c'est à vous de voir. Bon, voilà ce qui s'était passé dans la semaine et on n'était pas hyper, hyper rassurés sur votre relation et sur ses intentions, clairement, Guillaume. Que s'est-il passé après cet appel? Bah après avec les potes forcément ils disent t'as bien fait donc qu'est-ce qu'ils disent, on va changer les idées, ce week-end on va sortir et comme par hasard je tombe sur qui ce week-end, donc je la vois au loin. Elle recommençait son petit jeu, elle se faisait payer des verres, mais non, elle réitérait directement ce qu'elle était en train de faire avec moi. Elle est pas venue te voir et tout, quoi? Bah elle me regardait un peu de loin comme ça en disant en mode qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va venir me dire mais au contraire nous on a fait la fête, mais bon c'est abusé quoi, on sait que je suis sûr que je suis pas le seul et se faire avoir comme ça c'est vraiment dégueulasse. Elle est déjà passée au suivant, quoi, c'est ça que t'es en train de dire? Comme quoi Bon bah écoute, au moins la chose est claire. Ouais voilà, tu sais au moins à quoi t'en tenir et ça va te permettre d'avancer, Guillaume. Et puis d'être un petit peu plus riche chaque jour. Hein? Mettre de côté. Bah exactement Guillaume, on est content quelque part que voilà tu te sois réveillé un petit peu quoi. Tu vois parfois il faut écouter ses amis aussi. Hein. Mmh, bien sûr, ils disent quelque chose. Écouter aussi comme quoi. Mais puis faire attention à peut-être moins offrir tout ce que tu peux dès le premier jour. Bien sûr. On va réfléchir avant d'agir. Plaisir d'offrir et joie de recevoir. Merci monsieur. Salut Guillaume. Merci à vous. Salut Guillaume. Salut. Fais pas de folie pour Noël. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va parler de griller son mec ou sa copine. C'est ça Alice? Bah en fait, on a reçu un message de Kelly sur le Facebook de l'émission et elle a grillé son mec en train de faire un truc vraiment dégueulasse, genre une habitude, c'est-à-dire que le mec colle ses crottes de nez sous la table basse de leur salon. Oh, sympa. Et bah attends, c'est quand mieux que de la manger. Oui, mais quand après tu te rends compte que t'en as une quinzaine collées sous la table, c'est quand même un peu dégueulasse. Du coup, on va parler de ça en fait. Est-ce que vous avez déjà grillé votre mec, votre meuf ou même des fois un pote, tu vois, en train de faire un truc vraiment dégueulasse? Et j'avais un pote qui s'arrachait les ongles de pied avec les dents, par exemple. Ah, tu vois, ça c'est dégueu. Ah, c'est bien dégueu, ouais. Ah, c'est vrai qu'il était dégueulasse, lui. Il s'appelait Emmanuel Latimier. Oh, pardon. Putain, c'est mec. Vraiment toi. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. Et n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Vous avez surpris votre mec, votre copine, en train de faire un truc carrément dégueu. 01 42 48 5000. Ça peut être un pote à vous aussi. Hein. Allez, on balance tout ce soir. Balance ton pote dégueu. 01 42 48 5000. The Prince Karma dans 3 minutes. À tout de suite, les amis. Restez avec nous. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Tout gagné, tout perdu de ce matin. Vincent est à Villefranche-sur-Saône. Voilà la famille. Salut Vincent. Jennifer Lopez a fait assurer ses fesses pour 200 millions de dollars. C'est vrai? En fait, ça sert à quoi les assurances de fesses? Comment tu peux perdre ton cul? Genre les portes du métro qui se referment, flac. Oh non! C'est pas possible, 200 millions! Bon, mais si quelqu'un passe à la station République, j'ai perdu mon cul! Dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Et si on profitait de 50 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 50 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux. Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 50 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore! Ouais, bah, moi, j'adore encore plus que toi. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Jusqu'au 14 novembre, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant le numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr, réseau numéro 1 selon locataire 7 octobre 2018. Elle a l'air neuve, ta Mini. T'es sûr que tu roules avec? Mais c'est que je l'entretiens bien, moi. Oh, c'est impressionnant. Bah oui, je l'ai fait entretenir chez Mini Service. Et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon? Bah oui. Et en plus, je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine? Mais tout à fait. Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre Mini a plus de 5 ans. Et profitez de 50€ de remis supplémentaires pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mini. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. Fun Radio et Soirée Ferio présentent Halloween. L'Halloween Festival au Doc de Paris. Mercredi 31 octobre. Venez vivre le plus grand Halloween de France. Avec une vingtaine d'artistes réunis sur 3 scènes indoors. Techno, hard music et main stage. Avec Sam Fest, Belcourt, Lucas and Steve, Damien Hendrix, Lumberjack ou encore Adrien Thomas. La nouvelle édition de l'Halloween Festival au Doc de Paris, c'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Infos et réservations sur halloweenfestival.fr. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs, Halloween Fun. 22h à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs en écoutant Love in Fun sur Fun Radio, c'est l'occasion exceptionnelle de gagner un diplôme. Le diplôme de Love in Fun parce qu'on est fiers de connaître des personnes aussi intelligentes que vous. Vous pouvez le gagner là tout à l'heure avec l'examen au 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone bien sûr pour nous appeler. Bientôt on va faire un combat, j'ai décidé, entre Alice et Doc. Oula. Ah ouais, ah bon, parce que je pense que c'est les deux personnes qui intellectuellement sont les mieux armées ici dans cette émission. C'est vrai. Mais ah si, il devait y avoir Il devait y avoir quoi, Coco contre Non. Kassim. Non, j'ai décidé de parce que je prends des décisions. Il a peur, Doc. Il a peur. T'as raison, Doc. Non. Tu seras face à Alice, Doc. Très bien. Ok. Ah, et je sens que ça va être le combat des chefs. Je vous le dis. 0-1-42-48. Comme celle qui prépare les questions. Non, ce sera moi. Ce sera moi. Voici le Prince Karma sur Fun Radio. Love in Fun. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Karma, Let the Beaches sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 22h minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Retrouvez-nous sur Instagram, bien sûr, le compte Love in Fun, LOVINFUN. On vous a mis un petit teaser de l'émission spéciale peur qui vous attendra. Ce sera mardi soir, une émission spéciale peur avec beaucoup, beaucoup d'invités. Il y en a deux. Voilà. Hein, mais non, il y en a plus que deux parce que vous pouvez être invité de cette émission. Et d'ailleurs, on vous a mis un petit post sur l'Insta Story. Vous avez juste, je viens de m'étouffer, je suis désolée. Ah, voilà, vous avez juste à... j'étais en train tranquillement de faire le truc et tu me prends. Mais vas-y Alice, vas-y. Ok, vas-y, raconte. Bah, non, comment on fait, Karel, pour participer à l'émission? Bah, on envoie un mail. Pas du tout, Karel. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rendez-vous sur l'Insta Story de Love in Fun. On vous a mis une petite publication avec le posez vos questions. Vous pouvez juste nous envoyer votre numéro de téléphone. On vous rappelle pour assister à l'émission qui sera en public. Ah, on peut le faire aussi par mail. Vous pouvez le faire aussi par mail. Mais écoute, moi, je propose de la simplicité. T'as dit rendez-vous sur l'Insta Story. En même temps, vous mettez notre vidéo teasing et en même temps, vous participez. C'est pas simple, ça? N'hésitez pas. Ça se passe donc sur l'Insta Story de Love in Fun. Et ça se passe, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, Kassim? C'est l'émission spéciale. Parce que... Oh putain, je comprenais pas, putain, pourquoi ils mettaient cette musique. Je me demandais. Ah oui, ça y est. Mardi soir, émission spéciale peur avec en invité Stéphane Bourgoin, journaliste, écrivain spécialisé dans l'étude des tueurs en série. Et je me tourne vers Doc. C'est une belle tête de tueur en série. c'est vrai. Hein, putain, sans déconner. Quelqu'un a vérifié le réfrigérateur de Doc? Hein? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? En plus, il est médecin, le mec. Hein? Oh putain. Et attention, parce qu'on sera avec quelqu'un qui s'appelle Bruno. Non, ce n'est pas Bruno dans la radio. C'est Bruno qui communique avec les morts. Bruno sera là avec nous, c'est-à-dire que, bah, avec ceux qui seront dans le public. Et avec ici, bah, dans l'équipe, bien sûr, tous les animateurs. Et vous tous qui pourrez nous appeler. Il y aura la possibilité, peut-être, de communiquer avec des morts. Voilà. C'est fou. Non, mais moi j'ai plein de questions à lui poser, ça va être dingue quoi. Comment est-ce qu'il fait pour communiquer? Comment il se met, je sais pas, dans une espèce de transe et tout? Qu'est-ce qu'il y a, la vie après la mort? On en parlera tous ensemble mardi soir sur Fun Radio. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et arrête cette musique, Kassim, parce que ça va pas être possible. On va accueillir Pierre, Delphine et Roxane qui sont avec nous. Bonsoir Pierre, Delphine et Roxane. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut. Salut Delphine. Bonsoir à tous. Bonsoir Roxane. Salut. Bonsoir. Bon, bonsoir. Alors on va parler des trucs un peu dégueux. Voilà, quand on a grillé son mec, sa nana, en train de faire un truc dégueulasse. Hein, on va pas se le cacher. C'est un message qu'on nous a envoyé, Alice. Oui, c'est un message de Kelly qui nous a écrit sur la page Facebook de Love in Fun. En fait, elle a surpris son mec en train de coller des crottes de nez sous la table basse. Et elle s'est rendu compte que c'était pas la première fois qu'il y avait plusieurs petits cadavres chez eux comme ça, tu vois, des crottes de nez sous la table. Putain, en plus ça devient tout sec après et tout. Bah, tu as l'air de t'y connaître mieux que moi. Non, bah, j'imagine. Ouais, attends, mais j'ai forcément, tu sais, dans mon bahut et tout, il y avait ce genre de truc, quoi. Ouais, sous les chaises de gamer, je suis sûr que ça doit y aller aussi. Oh, ouais, peut-être. Pas le temps de se lever et tout. Non, c'est sous le clavier généralement. Ah, non, quelle horreur. Pierre, bonsoir Pierre. Salut toute l'équipe. Salut la Lorraine. Toi, t'es à Metz et t'es dans la ville d'Alice. Oui. Oui, je sais. Ah, bah, ouais, tu la connais. Bah, oui. Ah, c'est vrai, tu la connais vraiment? Ah, oui, on se connaît bien avec Pierre. Je l'ai vu passer 2-3 fois dans Metz. Ouais, voilà, je passe souvent dans Metz. Ah ouais, et Pierre me regarde. Alors, elle est sympa ou naturelle ou pas? Ou alors... C'est une bombe. C'est une frappe, cette fille. C'est une frappe, ouais. Mais elle m'a jamais vue, je crois. Mais t'as réussi à parler avec elle ou? Non, je suis un peu trop timide. Ah, d'accord. J'ai pas trop osé l'aborder. En plus, j'ai une meuf, donc. D'accord. Alors... Mais tu peux parler avec une fille sans vouloir la pécho, quoi. C'est vrai. Oui, pas forcément avec ma meuf. Mais on va parler de ta meuf alors, qui fait des trucs dégueux, non? C'est ça? Oui, justement. Ah bah vas-y, balance ta meuf. Bah en fait, l'autre jour, je rentrais des courses, tranquille. Qu'est-ce que je vois quand je rentre chez moi? Il y a ma meuf qui est assise sur le canapé en train de se ranger les ongles de pied, en train de les manger. Oh, ah bah voilà. Ah bah oui, ah bah, ça c'est sympa. C'est dégueulasse. N'empêche, bon point, ça veut dire qu'elle est quand même assez souple. Ouais, non mais attends. Oui, bah, c'est vrai. Mais c'était dégueulasse. Elle met directement le pied dans la bouche? Ah putain. Oui. Ah, la hygiène de merde, sans déconner. Ah moi ça me révulse. Non, faut mais pas qu'elle ait des mycoses en plus. Ah ouais, non mais Doc. Mais bien sûr. Eh, sinon elle met la mycose dans la bouche. Bah voilà. Non, ça elle en a pas. Mais elle fait quoi de l'ongle? Elle le mange ou elle le recrache? Non, elle mange. C'est ça le pire, c'est qu'elle mange. Ah non. Ah mais il y en a qui l'avale. Ah ouais. Onychophagie, ça s'appelle. Non mais l'onychophagie. Oui, c'est ça. C'est quand tu bouffes tes ongles. Oui. Oh mais c'est dégueulasse. Tu l'as jamais fait sur un doigt au moins? Oui, non, mais il a mangé l'ongle. Vie. Pas bouffer l'ongle. Ranger les ongles. Il y en a plein qui le font. Mais ils avalent avec. Ah ouais. Oh. Mais c'est pas bon ça en plus. Oh, c'est du calcium. Hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a sous les ongles, Doc? Bah, sous les ongles, il y a des saletés. Mais après, ton estomac, de toute façon, avec un pH 1 et de l'acide chlorhydrique qui détruit tout, il n'y a rien qui passe. Hein. Oh, excuse-moi, Doc. Je savais pas que j'avais du pH 1. Ah, c'est vrai, ça, on peut bouffer n'importe quoi et en fait. Oui, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui arrive à survivre à l'estomac. D'accord. Enfin, on évite les produits ménagers, hein, bien sûr. Hein, c'est voilà. Ouais, oui, parce que c'est de la merde, pire. Tiens. C'est pire que l'acide chlorhydrique. Non, et bien sûr. Tu veux bouffer de la merde, Alice. Non, non. Bah, je disais ça comme ça. Mais non, mais il paraît que ça peut quand même être dangereux. Tu peux te brûler l'œsophage et tout. Boire son urine, ça c'est possible, hein, Doc. Oui, ça arrive, oui, oui. Ça arrive. Oui, il y en a qui le font. Ah, c'est pas particulièrement dangereux, ça. Bien sûr. Parce que c'est stérile. Déjà, y a pas de germes. Donc. Alors, Pierre, comment tu fais dans ces cas-là? Tu lui as dit, c'est pas bien. Arrête de faire ça. C'est dégueulasse. Bah, je lui ai dit ça, surtout que quand elle m'a vu, elle a arrêté, elle est venue me rouler une pelle. Vas-y, vas-y. Alors, on peut l'appeler ou pas pour lui dire? Ah non, franchement, non, je veux pas. Dommage. C'est un pitbull, ta meuf. Hein. C'est vrai? Ouais, elle va péter un câble, donc je pense pas. Vaut mieux pas. Ce que tu peux faire, c'est lui couper les ongles. Ouais. Ah. Bah écoute, oui. Si pour lui ronger ses ongles. Ah, ah putain, eh, bah, non, ça bon, c'est une bonne idée. Je conseille pas, mais... Ouais, voilà, on vous trouve des solutions. Voilà. Ouais. Coupe-lui les ongles. Coupe-lui les ongles, Pierre, comme ça, il n'y aura plus le problème. Ça se trouve, c'était peut-être un appel à l'aide de sa part. Hein. T'en sais rien, Pierre. Elle fait peut-être passer un message. Elle est stressée. Faut que tu la détendes. Bah voilà. Bonsoir, Delphine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Salut. Ça va, Delphine? Oui, ça va, et vous? T'as déjà mangé tes crottes de nez? Non. Allez, dis-moi la vérité. Ah non, non, j'ai jamais mangé ça. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse. J'aimerais? Et alors, est-ce que t'as déjà fait écouter tes paix à ton mec? Ouais. Ah, ça tu l'as fait. Ah oui, et ça tu trouves pas ça dégueulasse? Ah, c'est pas dégueulasse, autant des crottes de nez. Pourquoi la crotte de nez ça l'est et pas le paix? Ah, bah attends, tu manges une crotte de nez, c'est pas pareil que péter. Enfin, péter c'est un truc qui est naturel, manger une crotte de nez c'est moins naturel, il me semble. Enfin, je sais pas. Le débat. Non, mais c'est marrant, mais je trouve qu'on a un rapport différent avec sa crotte de nez et la crotte de nez de l'autre. Ah bah oui, à la rigueur, tu manges la tienne, mais tu manges rarement celle des autres. Oh, Delphine, rarement. Delphine, oui, alors, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qu'il y a de dégueulasse chez toi, chez ton mec? Alors, chez mon ex, je l'ai retrouvé en train de se masturber dans la cuisine à quatre pattes. À quatre pattes? Ah, mais pourquoi à quatre pattes? Eh ben, je sais pas. Et je sais pas du tout. C'est génial! Putain, j'avais 2-3 vannes là, mais je ne peux pas les dire. Non, c'est ça. Allez-y! Bah pourquoi non. pas? Hein. Oh, non, mais non, après, on va dire qu'on fait. Non. Il a réagi comment quand tu l'as trouvé comme ça? Il a continué ou pas? Eh ben non, j'étais partie aux toilettes et en fait, en me levant en pleine nuit, je l'ai vu se masturber à quatre pattes quoi. Ah, pendant la nuit? Il va genre pause cuisine quatre pattes pour se branler quoi. Oh, il est chaud. En fait, ouais, c'est ça, j'étais partie me coucher et puis lui, il était resté au salon et je me suis réveillée en pleine nuit et je l'ai vu à quatre pattes en train de se masturber devant un torchon par terre avec son téléphone. Ah, drôle de scène. Ah ouais, non, et franchement, on est trop gênés. Le, hein. Le téléphone, il devait mater un film porno. Non, bah, bien sûr, bien sûr. Oui, c'était ça, oui. D'accord. Et toi, ça t'a rendu jalouse? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit quoi, Delphine? Ah bah, moi, je suis allée aux toilettes déjà, parce que j'étais toute retournée, etc. Donc voilà. Elle était faire quoi aux toilettes? Pipi. Pipi? Oui. D'accord. Donc toi, quand t'es retournée, tu vas pisser. Ok, Delphine. Bah, j'avais une grosse envie, en fait. Bien sûr. Ah oui. Et lui aussi. Et tu l'as laissé finir, tu lui as rien dit quoi? Genre, vas-y, amuse-toi, quatre pattes. Ah non, non, je suis allée en mode colère et puis je suis revenue, je lui ai fait, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Et il me fait, bah, j'ai des envies, machin. Je fais, ouais, mais ça fait 2 mois qu'on a plus de rapport ensemble. Enfin, je suis là, moi, quoi, au lieu de te masturber. Voilà. En sachant que j'ai des enfants chez moi, je me suis dit, ouais, t'aurais pas pu faire ça dans les toilettes, quoi. D'accord. Et t'as 23 ans, t'as des enfants, t'as eu des enfants jeunes alors? Oui, voilà, mon premier à 5 ans. À 5 ans, d'accord. Donc à 18 ans, t'as eu ton premier bébé. Oui, parce que là, c'est mal dit quand même. Hein, fais attention. Non, parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant à 5 ans, bien sûr. Et peut-être qu'il voulait pas te déranger, non? C'était quoi son excuse? Bah, aucune. Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'après, il me trompait, en fait. Ah, bah voilà. Voilà, bah, oui, ouais, raison, ouais. Bien sûr. Dorian, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, de te masturber alors que ta copine était dans les parages? Ouais, peut-être, ouais. Je fais pas trop attention, naturel, hein. On se met à l'aise, quoi. Ah ouais, non, mais moi je suis d'accord. Moi je vis ça un peu comme une épreuve de Fort Boyard, tu vois. Ouais, être le plus rapide possible. Voilà, j'ai un temps imparti et je sais qu'en 3 minutes je dois régler ma petite affaire parce que ça se trouve, elle va peut-être remonter les escaliers et dès que j'entends un petit craquement. On sent le défi. Le problème, c'est qu'en principe, il suffit de dire ça et on n'y arrive pas, quoi. Alors, d'habitude, ça sort en une minute, mais là, ça en met six, ou alors, on n'a pas trouvé le support. Non, là, je te laisse tout seul, Dorian. Moi, ça sort tout le temps, nickel. Hein. Nickel. Toi, tu vis avec tes problèmes, Dorian. Hein. Ah oui, c'est sûr. On a chacun les notes. Hein. On sent le côté très compète et très défi, hein, du masculin, là, quand même. Bien sûr. Oui. Mais c'est drôle. Je rappelle que, Doc, quel est ton record? De. Bah de masturbation, Doc. Par jour? Tu vas vraiment y répondre, j'adore. Vas-y. Du tout. Tu t'es jamais masturbé? Non, je ne vais pas répondre. Ah oui, d'accord, ok. Roxane est avec nous. Bonsoir, Roxane. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Roxane. Salut. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé avec un mec, peut-être? Alors, oui, c'était un gars, mais je le connaissais pas du tout, en fait. À l'époque, je vivais dans une petite maison avec mon frère et tous les jardins se touchaient. Et il y avait un lampadaire avec un petit sentier, enfin bref. Et machinalement, je regarde par la fenêtre et puis je vois un gars qui tourne en rond dans le jardin et tout, dans le jardin des voisins. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Ouais. Du coup, je descends, je vais voir mon frère, puis je dis, donc, il y a quelqu'un qui erre dans le jardin, c'est bizarre. Moi, j'étais partie sur un cambrioleur ou un truc comme ça. Et avec mon frère, on regarde par la fenêtre et le gars, il se met sous le lampadaire. Et il tourne ses fesses vers nous, en gros, mm-hmm. Et il se accroupit et il fait caca dans le jardin de mes voisins. Posé tranquille, le gars. Horrible. Génial. Mais on n'en revenait pas, quoi, faire caca comme ça. En plus, c'est un quartier résidentiel, il y a des maisons partout, avec des terrasses et tout, il y a du passage, il y a le tram et tout. Fin... Et quand ça pousse, Roxane, non, c'est vrai. Peut-être qu'il réglait un compte, non? Il n'avait pas des comptes à régler avec les voisins? Ouais. J'en sais rien, je ne connaissais pas mes voisins, mais... Les voisins ont rien dit après? J'en sais rien, on leur parlait pas, on n'était pas en contact avec eux. Mais... Et qui a déjà chié sur le paillasson de ses voisins? Ah, ça arrive, ça. Ah, ça, c'est déjà arrivé, ça. Ah. Il faut quand même avoir, je sais pas, vraiment un truc tu dois vraiment lui en vouloir, quoi, pour faire un truc comme des ça. Des jeux d'ados aussi. Il y a quand même des ados qui font ça. Bien sûr. La fameuse anecdote. Alors, je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais tu fais caca dans du papier journal, truc, et puis tu crames le truc, ou alors tu laisses la personne fouiller un peu en intérieur. C'est ça. Pour voir ce qu'il peut y avoir. Je vous donne des petites astuces comme ça, hein. Tu n'as jamais faites. Bien sûr. C'est des moments de franche rigolade. Ça doit être dur quand même de faire caca dans un journal. Enfin, je sais pas, tu vois, moi je me vois pas déjà faire caca sur un palier. Enfin, je pense qu'il faut des conditions particulières pour certaines personnes pour réussir quand même à le faire. Donc être là dans un journal ou sur un palier, ça doit être particulier. Tu te souviens d'un truc, toi, un peu dégueulasse, Alice, que t'as déjà vécu? Ouais, moi c'était il y a quelques années quand j'étais encore en cours, on était en amphi et en fait j'avais un visuel sur une meuf qui était pas loin de moi sur un rang et en fait je voyais qu'elle arrêtait pas de sortir des crottes de nez de son nez et elle les alignait en fait sur sa main. Et du coup, il y avait il y en avait une dizaine qu'elle alignait sur le côté de sa main, et à la fin, elle a tout mangé avec sa langue comme si elle prenait un rail de coke, quoi, tu vois. Elle a tout bouffé. C'est horrible. C'était horrible. C'est horrible. Dégueulasse. Putain, mais ça va pas nous raconter une histoire comme ça. Bah, écoute, moi, tu me demandes, je réponds. La collectionneuse de crottes de nez. Ah, c'est ça. Ah, putain, c'est ouf. Il y a des réactions aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à réagir sur le Facebook, là. Oui, il y a Déborah qui dit, j'ai vu mon ex se mettre une main dans le cul, puis sentir sa main. Morgane, un collègue de boulot, se pensait certainement seul, et en fait, il s'est curé le nez, mais il l'a mangé ensuite. Il y en a qui les mangent. Et Jérôme, un pote, a fait tomber sa part de pizza par terre dans les toilettes d'un bar. Il l'a reprise et il l'a mangé. Ah putain! Dans les toilettes d'un bar, quand même, près des urinoirs et tout, ça c'est horrible. Ah, mais c'est ce qu'il y a de pire en plus. C'est là qu'il y a le plus de germes et tout, quoi. Bah oui, c'est atroce. Ah bah, n'hésitez pas à nous dire hein, si voilà, vous avez déjà grillé votre mec, votre nana en train de faire un truc un peu dégueulasse. Kassim, ça t'est arrivé toi ou pas? Ah bah oui. Hein? Moi, j'ai grillé ma meuf complètement à poil sur le canapé en train de s'enlever un bouton à côté de la chatte. Ah, ça m'a dégoûté, quoi. J'ai dit, mais ça va. Non, mais c'est dégueulasse. T'sais, le truc bien purulent, bien gros, là, t'sais, à bien sortir. T'as... Ah, t'as vu le pus sortir et tout. Ouais, mais t'sais, parce que j'arrive au moment où t'as tu regardes, toi, tranquille. Ah, bah oui, bah. Tu peux t'aider, bébé. Après, y aller. Hein. Ah, bah oui, après, je vais le nettoyer en léchant. Et puis, ça lubrifie le pus. Allez, on s'arrête. Ah, putain, sans déconner, vous êtes terrible. Je vais remercier Delphine, Roxane et Pierre. Merci. Merci à vous les amis. Merci hein. À vous. Salut. Et bon dimanche soir. Salut Pierre, Delphine et Roxane. Salut. Salut. Salut. Salut. On va accueillir Morgane. Au revoir Delphine. Au revoir. À bientôt. Voilà, jusqu'au bout. Hein. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Et dans un instant sur Fun Radio, on va parler avec Louis. Il a 14 ans et il se pose des questions sur son orientation sexuelle. On va l'aider. Restez bien avec nous sur Fun Radio. Dans un instant, on écoutera aussi Niels Van Zandt.

22h à minuit sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. J'espère que tout va bien, que vous passez une belle soirée, que vous n'avez pas le blues du dimanche soir. Que je rappelle que nous avons lancé il y a maintenant 3 semaines ce grand mouvement national contre le blues du dimanche soir. Hein, c'est vrai, la France est déprimée le dimanche soir. Désormais, non, il y a Love in Fun. Une émission qui pense à vous. Stop au blues du dimanche soir. Love in Fun. Stop au blues du dimanche avec Karel, Alice et Doc Pavageot dans Love in Fun. 22h minuit sur Fun Radio. Ah putain, hey, tu sais quoi ? Moi, entendre ce jingle, j'ai plus le blues. Ça me détend. J'espère que tout va bien et que vous passez une belle soirée. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Et on est en plein cœur d'une semaine spéciale consentement avec onsexprime.fr. On va accueillir Morgane, 22 ans de Villeurbanne. Bonsoir Morgane. Bonsoir l'équipe, vous allez bien ? Salut. Ça va super Morgane. On parle de consentement depuis quelques jours là maintenant sur Fun Radio. Ce soir justement, tu veux nous parler de ton petit copain. Ouais. Qui veut te forcer à faire quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai 22 ans. Ça fait 2 ans que je suis avec lui. Et récemment, ça fait à peu près 6 mois, à cause un petit peu peut-être du stress de la fac et du décès d'un proche, je me suis mis à manger énormément. Et en fait, mon copain, il m'a régulièrement suggéré de me mettre au sport, que pour ma forme, etc., ça serait bien. Ouais. Et là, en fait, il m'a posé un dilemme hier soir. Il m'a dit, bon, écoute, j'en ai marre de devoir grossir. C'est soit tu perds 15 kilos, soit moi je te quitte maintenant, donc je sais vraiment pas quoi faire. Voilà. C'est soit je me remets en question et je me dis ok, je vais faire du sport et je vais perdre ces 15 kilos, soit je me dis c'est vraiment un connard de m'imposer ça, quoi. Enfin, parce que moi, je m'aime comme je suis, et enfin, je sais vraiment pas quoi faire. Bien sûr, Morgane. Alors, franchement, là, sur ce sujet-là, c'est pas bien ce qu'il fait, clairement. Ah non, c'est de la pression psychologique. Au lieu d'être là pour toi, moi, je suis pas bien du tout. Il faut pas être hypocrite non plus, parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. Il y en a plein qui sont comme ça, qui se mettent avec une nana et la nana, peut-être qu'elle grossit, etc. Et puis, après, ils changent d'avis sur leur copine parce qu'elle correspond pas. Je m'aimais juste pour mon corps, ou enfin voilà quoi. Je me remets énormément en question et je suis totalement paumée. C'est ouais. Et oui, normal. Maintenant, au début, il t'a dit c'est pour ta santé. Et c'est vrai que c'est une question qui est importante. Hein. Maintenant, si toi t'es bien dans ta peau comme ça, bon, il y a pas grand-chose à y faire. Faut quand même faire attention à ta santé. Après, il y a surpoids. On peut prendre 15 kilos et puis avoir de la marge. Voilà. Et peut-être est-ce qu'il essaye pas de te mettre la pression juste pour te mettre la pression et faire que tu perdes un peu de poids parce que tu corresponds pas à l'image. Est-ce que c'est pas un ultimatum juste pour te forcer à, mais jamais il le ferait, ou tu sens qu'il est sérieux ? Non, je sens qu'il est vraiment sérieux. Enfin, il était prêt à me redonner la clé de l'appart et à retourner vivre chez ses parents, quoi. Enfin, non, c'est sérieux, il a commencé à faire un petit sac et tout, quoi. C'est le meilleur moyen de te faire grossir, hein, en plus, hein, ça. Ouais, bien sûr. Du coup, je suis assez stressée, moi, à côté, par les cours, ma vie perso, etc., pour pas en rajouter une couche, et je sais que j'ai pris du poids. Ça me fait mal de le dire, d'avoir pris du poids, mais j'ai appris à m'aimer un petit peu avec ce poids, mais je suis totalement perdue. Qu'il t'aide? Voilà, qu'il t'aide, qu'il soit avec toi, qu'il te donne des solutions, que vous fassiez des trucs à deux. Le mieux pour perdre du poids, c'est de manger la même chose tous les deux, c'est qu'il te fasse la cuisine, voilà, mais qu'il te trouve des solutions. Mais bien sûr. C'est pas en disant à quelqu'un, tu sais, si tu continues à grossir, je te quitte, que ça va marcher. Je sais bien, mais... Ouais. Oui, vas-y. T'es déprimée ou pas, Morgane, du coup Franchement, j'ai passé ma soirée à pleurer hier, quoi. Mais bien sûr, c'est inadmissible. Moi, franchement, je trouve que c'est un connard, ton mec. D'oser te demander ce genre de choses, ce genre d'ultimatum. Et en plus, tu nous as expliqué que cette prise de poids, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en ce moment, t'es pas bien, qu'il y a eu une perte de quelqu'un, qu'il y a eu un décès, qu'il y a eu le stress. Et d'oser te mettre une pression comme ça en te disant, soit tu changes pour moi, pour me faire plaisir, soit je te quitte, et ben franchement, il a autant de quitter parce que tu pourras trouver largement mieux ailleurs. Je suis pas en train de te conseiller de te séparer de cette personne, mais juste de pas te laisser faire, en fait. C'est pas à lui de te dire comment tu dois être physiquement, à quoi tu dois ressembler. S'il veut quelqu'un de moins 15 kilos, et ben qu'il aille chercher la personne de moins 15 kilos. Il t'a pris pour ce que tu es, et si vraiment il t'aime, il te soutient et il t'aide à faire en sorte que tu sois bien dans ta peau, que ta peau ce soit à plus ou moins 15 kilos. L'important, c'est que toi tu t'aimes et que tu te sens bien comme ça. Je trouve ça horrible, ce genre d'ultimatum, et moi j'accepterai pas du tout, vraiment. Ah bah oui, ouais, évidemment. Bah attends, c'est qu'enfin, je veux dire, c'est comme si là tu demain tu disais à ton mec, bah soit tu prends soit tu te mets à la salle de sport et tu te fais des tablettes de chocolat et je veux que tu aies des abdos de ouf avec des pecs de ouf, soit je te quitte. Enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose, tu te permettrais pas de faire ça avec lui et je pense que c'est un manque de respect pour ta personne, ça veut dire que tu es quelqu'un qui se limite juste à un physique. Ouais, complètement. Et c'est bien dommage. Pour parader devant ses copains, regardez, voilà. j'ai une jolie copine, quoi. T'as d'autres choses derrière, donc je comprends même pas qu'on puisse, enfin, te pose même pas la question, quoi. T'es en droit de l'envoyer chier, et c'est pas à lui de te dire quoi faire avec ton corps, vraiment pas. Ok. Moi, ça m'énerve. Voilà, je le dis. T'as raison, Alice. D'autant plus que tu lui as déjà dit que c'était parce que tu traversais des difficultés, que t'as déjà essayé des trucs et que de toute façon, pour l'instant, c'est comme ça. Faut aussi qu'il apprenne à faire avec le moment. Ok, t'as plus de poids maintenant. Ça veut pas dire que dans un an, deux ans, trois ans, bah, tu les auras pas perdus si t'en as envie. Voilà, ce qui est valable à un instant T est pas valable pour toute la vie. Donc, faut aussi savoir patienter. Te dire, bah, écoute, tu sais, moi, j'aime pas beaucoup les kilos en trop. C'est une chose. Il a le droit. Oui. Bien sûr. À toi de le faire à ton allure. S'il voit que ça avance pas, il peut te le redire, bien sûr. Bon, bah, écoute, je trouve que ça va pas dans le bon sens. Mais c'est tout. Si t'en as pas envie, il y a pas de raison à son allure ou pas son allure, il se démerde. Si toi t'en as pas envie, il y a pas de raison de perdre du poids. C'est toujours dans une histoire de couple, c'est quand même à deux, donc celle qui prend du poids. C'est son corps à elle. Il y a pas de raison que lui, il ait son mot à dire sur son corps à elle. Enfin, il peut toujours dire, j'aime pas ça. Il peut très bien lui dire, je trouve que t'es plus en valeur quand t'es comme ci, quand t'es comme ça, machin, mais pas lui dire, je veux que tu perdes du poids, je veux que tu machin. Enfin, moi, ça me paraît tellement. Et tu nous dis quoi? Tu nous dis qu'en fait, tu te retrouves à passer la soirée à pleurer à cause de ton mec. Alors justement, t'es fragile en ce moment. Je suis désolée, mais c'est pas le rôle d'un mec, d'un couple, d'un soutien, d'un pilier dans ta vie. Il est juste en train de faire que tu vas, en plus de pas être bien dans ta tête, tu vas te sentir mal dans ton corps et mal dans ta peau. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que t'as besoin? Non. Ça révèle qu'il n'en est pas besoin. Ça révèle une partie de lui qui est pas très jolie là. T'as envie de quoi, toi? Bah, c'est vrai que j'aimerais bien perdre les kilos, mais pour l'instant, je me sens pas du tout d'attaque à le faire. Enfin, là, j'aimerais juste bien me remettre sur pied et pas avoir ce souci-là en plus de mon copain. Tu lui dis, écoute, moi, oui, mais je suis tout à fait d'accord pour perdre un peu de poids, c'est pas le problème, mais juste pas maintenant parce que c'est pas le moment et que j'y arrive pas en ce moment. Maintenant, toi, t'attends que j'y arrive, soit vas-y, bah, c'est moi qui te quitte. Oui. Dorian, notre auditeur du soir. Dorian, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi je suis vachement de l'avis de l'équipe et surtout du doc, parce que c'est vrai qu'un ultimatum comme ça, ça reste quand même quelque chose d'assez grave, hein, ça veut dire surtout quand on est en couple. Enfin voilà. Après je pense qu'il y a, on est en couple, il y a quand même un esprit de communication derrière, donc je pense que comme l'a dit le doc, il faut pas hésiter justement à en parler, à essayer de trouver des solutions. Si jamais elle a des problèmes psychologiques, une certaine dépression qui est temporaire, bah dans ce cas-là son copain, son rôle, c'est plutôt de l'aider justement à faire face à cette dépression plutôt que direct de dire perdre du poids, quoi. Ça viendra après. Surtout si elle a envie de perdre du poids, bah dans ce cas-là, il faut juste communiquer et qu'il puisse l'aider à passer outre cette dépression. Et puis ensuite, il verra pour ça, quoi. Je veux dire, c'est que temporaire, hein, la prise de poids. Mais après, il y a aussi la question de la santé, quoi. Bon, après, ton mec n'est pas ton psy non plus. Donc si tu as besoin d'aide, tu peux aller trouver ça ailleurs, hein. Il n'a pas à avoir le rôle de psychothérapeute, mais il doit être au moins là pour t'aider, te soutenir. Et patienter. Voilà, dire ok, d'accord, bon, on verra plus tard. Hein. Fais-toi aider, toi, peut-être aussi, par ailleurs, à côté, avec quelqu'un qui t'écoute. Il devrait t'accompagner, quoi, Morgane. Ouais, bah je sais qu'au tout début, enfin il y a peut-être 3 mois de ça, il m'avait motivé à essayer de me remettre au sport, etc. Il m'accompagnait dans mes séances de sport, mais vite en fait ça le saoulait parce que je suis pas très endurante niveau sport, j'ai un petit cardio, etc. Et en fait ça l'énervait un peu qu'il se disait tu mets pas tout ton tien, enfin tu fais exprès de pas bien réussir à faire du sport, etc. Alors que enfin moi j'y mettais tout, quoi, j'étais limite vachement de pression. Attends, chacun va à son allure, on a chacun notre rythme, tu n'as pas le sien, tu n'as pas son corps, il est peut-être endurant, tu l'es moins, il faut le temps que ça vienne et que ça rentre, il faut qu'il apprenne à faire avec les gens un peu, tout le monde ne peut pas aller à la même vitesse que lui et faire la même chose, il n'a pas la réponse à tout et la bonne réponse, c'est pas parce qu'il fait un truc que c'est la bonne chose, il va falloir qu'il apprenne ça quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il a bien fait avec toi, Morgane? Pardon? Qu'est-ce qu'il a bien fait avec toi, Morgane? Bah, il m'aide beaucoup. Enfin, dans la vie de tous les jours, je sais que là, on habite ensemble. Il fait beaucoup de tâches ménagères. Il m'aide parce qu'il voit que je suis énormément stressée. Il fait la cuisine, il fait le ménage, etc. Ça te déprime d'avoir pris du poids ou pas? Ça me déprime un petit peu, oui. Mais en même temps, je me dis, tant pis, c'est que ça fait partie de ma vie, quoi. Ok. De toute façon, si tu perds du poids, il faut que ça vienne de toi. Il faut le faire pour toi-même et oui, pas pour quelqu'un d'autre. C'est le meilleur moyen de réussir. Ouais, je sais bien. Bien sûr, Morgane. Et ça sera le moment quand ce sera le moment. Si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Ça nécessite d'avoir de l'énergie et de la ressource intérieure. T'as d'autres choses à affronter. Le poids, ça sert aussi de protection. Hein, on prend du poids pour se protéger des événements qui sont à l'extérieur. C'est ta façon de te protéger. C'est pas la meilleure. D'accord, mais c'est comme ça pour l'instant. En attendant que tu retrouves de l'énergie et de la force interne pour arriver à affronter ça et ensuite perdre du poids. Ouais, donc fais-toi confiance. Pas tout faire en même temps. Non, voilà. Hein, tu le sens comme ça en plus. Tu sens bien que tu as d'autres choses à mener et d'autres choses à affronter. Oui, voilà, c'est pas le moment, c'est plus tard. Eh ben oui, c'est plus tard. C'est pas grave. Ok, d'accord. Okay. Bon, on te souhaite bon courage, Morgane, vraiment. Hein. Ben merci beaucoup l'équipe. Hein, et bon courage avec lui. Ça, c'est pas foufou là. Ouais, tu nous tiens au courant. Tu nous dis. Ouais, je vais lui expliquer ça là. On est dispo de toute façon sur le Facebook de l'émission. Tu nous envoies un petit message privé. Tu nous tiens au courant et puis on papote ensemble. Ouais. C'est un truc. Hein, c'est un truc. Franchement, encore une fois, faut pas être hypocrite là-dessus. C'est un truc qu'il y a. Enfin, je sais qu'il y a plein de mecs, oui, plein de potes qui réagissent comme ça. Dès que la fille a pris 3 kilos, ça va plus du tout. Ouais, même plus que ça, tu vois. Mmh. Et effectivement, c'est là que tu te rends compte que la personne, finalement, elle est peut-être avec toi juste pour ton physique, quoi. Et c'est d'abord ça qui prime avant tout ce qu'il peut y avoir, voilà, la vraie relation, l'amour fusionnel, tout ça, quoi. Bon, après, pour le désir, c'est vrai que ça peut jouer, hein. C'est évident que quand on aime quelqu'un qui a un certain physique et qu'il en change, pour le désir, ça peut être un peu plus compliqué. Mais on l'aide, bien évidemment. Mais on l'aide. Voilà. Il doit être là pour te soutenir, pour t'aider à traverser cette phase, plutôt que de t'enfoncer et de dire que je vais te quitter. Donc, à toi d'inverser la tendance et que ce soit toi qui reprenne les rênes en disant, tu sais quoi, si tu m'aides pas, c'est moi qui te quitte. Ok. Gros, plein de gros bisous, Morgane, en tout cas. Bon merci courage bon courage à toi et tu nous tiens au courant, vraiment. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Gros bisous. Et je t'invite à aller faire un tour sur le site onsexprime.fr. Justement, c'est un site d'information et de prévention autour du consentement. Et il y a pas mal de témoignages. Il y a beaucoup d'infos que vous allez pouvoir trouver sur le site onsexprime.fr. On te fait des gros bisous. Tu reviens quand tu veux. Salut, Morgane. Salut à toi. On va accueillir nos deux candidats pour passer leur examen ce soir. Bonsoir, Mathieu. Salut, ça va? Ça va bien. Mathieu de La Rochelle, hein, c'est ça? C'est ça. Et Stéphanie de Bordeaux, Stéphanie la Bordelaise. Salut tout le monde. Salut Stéphanie. Salut. Ça va, Stéphouille? Ça va. Ça va. On peut t'appeler Stéphouille alors? Dis non. Tu veux. Oh là. Non, si tu veux. T'es bien gentil, toi. mais oui, mais tous les auditeurs de Fun Radio sont très sympathiques. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau diplôme va être distribué. Vous allez gagner ça au 01 42 48 5000. Et puis on écoute un tube. Voici Marshmello avec Bastille. Happier sur Fun Radio. I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I want thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Marshmello sur Fun Radio, Happier. Le zap de Coco dans Levin Fun sur Fun Radio. Parce que son papa a décidé qu'il revenait une nouvelle fois cette semaine sur Fun Radio. Je rappelle que c'est le papa de Coco qui décide à la fin du zap de Coco si oui ou non Coco peut revenir faire sa rubrique dans l'émission. Eh bien, c'est à toi de jouer maintenant, Coco. Nous t'écoutons pour ce nouveau zap de Coco qui revient sur une semaine d'émission. Ah, et une semaine mouvementée, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. La Dude Story reprend du service. La Dude Story. Exactement, on en parlera dans quelques instants. Mais pour le début, on va démarrer avec mardi. Mardi prochain, mardi qui va arriver. Dans Lovin' Fun, ce sera la soirée spéciale peur. Ouais, c'est vrai. Oui. Animé par le grand dieu Karel. Épouvantable. Et pour vous donner un avant-goût de ce qui se passera, on a testé Alice en plein direct cette semaine. Alice, comment vous dire, vous faites exploser un petit ballon, hein, elle crie, elle est tout le temps surprise. Ben oui, en fait, c'est tout ce qui me terrorise, ce qu'on va faire demain, c'est-à-dire l'effet de surprise. Voilà, par exemple. Donc là, on a fait une petite démonstration, c'est-à-dire que pendant qu'Alice était en train de me parler, Cassim est allé derrière elle et lui a fait le coup de la surprise. Voilà. Donc vous prenez votre petit calepin, vous notez mardi soir à ne pas rater, rendez-vous dans Love in Fun. Oh, la pauvre. Et c'est peut-être, ouais. Ça sera peut-être mardi soir la seule fois où Karel fera crier Alice. Va te faire foutre. J'aime pas ton zap. Tiens, on parlait de ça, bah oui. La Dude Story, retour sur la série préférée de nos auditeurs. Alors cette série qui suit au plus près la love story entre Karel et Alice. Alors, vous allez me dire pourquoi la Dude Story ? Laissez-moi vous expliquer. Tout simplement parce que Karel et Alice s'appellent Dudes. La journée dans le bureau de Love in Fun, vous pouvez entendre « Dudes, tu peux aller me chercher un café ? Dudes, tu peux me faire un massage ? Dudes, tu peux me ramener chez moi ?» Mais tu restes en bas de la porte. Et cette semaine, on est passé par tous les états. Les premiers épisodes débutaient, le premier épisode débutait pas très bien, hein, Karel. Ah bah ne t'inquiète pas Alice, fous-toi de ma gueule. Tu pourras te blottir dans mes bras. Si rassurant le médecin, rassurant. Hein. Putain. Alors demain on vous fera vivre un petit peu ça. Pauvre Karel. Entendu ou pas? Tu veux qu'on le remette ou pas? Non, j'ai bien entendu. Je me prenais, elles s'en foutaient de ce que je disais. Je sais pas où c'est réagir, c'est vrai. Ouais, c'est passé inaperçu, pauvre Karel. Notre Karel national débute la semaine en PLS. Bon, on sait pas s'il va quitter l'aventure, hein. Mais la magie opère. Ah ouais? Tout ça grâce à un coup de baguette magique quand Alice décrit le pénis de Karel. Ben, écoute, bizarrement, j'ai la sensation que tout ce que tu nous dis à l'antenne, c'est vrai. Oh, je pense que de toutes les personnes autour de la table, tu dois avoir la plus grosse bite. Oh, non mais c'est vrai. Je pense que tu dois avoir une assez grosse tub, ouais. Assez large quand même, entre Doc et Cassim. C'est-à-dire que ta tub est plus plus fine que celle de Cassim, mais plus large que celle de Doc, et je miserai sur un 20-21. Je rappelle absolument juste. Lisse. Ah, vas-y. Ben, je rappelle juste qu'Alice a la faculté de pouvoir savoir le pénis d'un mec qu'elle rencontre pour la première fois. J'essaie. Il y a eu quelques ratés avec Adrien Thomas et Doc qui, finalement, après qu'on ait fait ce petit jeu-là, on était tous dans le studio et qui commence à dire « Oh, elle nous a tous rajouté quelques centimètres. » Et là, vous l'avez tous regardé en disant « Bah non, Doc. » Donc, apparemment, Doc, c'est vrai que je l'ai un peu grossi. On est tous dans le dé dans ce moment-là. Bon, Karel, tu t'en sors pas mal cette semaine. Ouais, merci. Mais il y a un copain à toi, il est passé de l'autre côté. Il est dans la friend zone. Moi, je lui ai fait ma déclaration, enfin, en vrai, dans les couloirs, comme ça. Enfin, ouais. J'ai fait ma vraie déclaration. Et elle m'a dit, tu sais, Greg, les garçons qui ont réussi à être en couple avec moi, c'était après avoir été amis. Et elle m'a proposé, donc, de potentiellement rentrer dans la friend zone avec elle. Ouais. Après, c'est vous les spécialistes. Je sais pas si vous avez quelque chose. Putain, quel mec extraordinaire. Le pauvre. Alors, qui draguait Méloche? Notre pauvre Greg. Un gladiateur parti beaucoup trop tôt. Embarqué par un tsunami qui ravage des cœurs amoureux. Saloperie de friendzone. Bon, bref, repartons sur un truc plus chaleureux. Ouais. Notre Kassim, Dixit, le reproducteur, qui s'est fait passer pour un acteur porno cette semaine, en jouant une scène avec Roxane, experte en simulation d'orgasme. How? Suck my pussy, how? Baby. Oh yeah, I love you. Oh, suck my pussy, cow. Pussy, I love your pussy. C'était énorme. Franchement, Kassim a fait mourir de rire. Et Rocco Siffredi n'a qu'à bien se tenir. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, parce que Kassim arrive sur le marché du porno et en exclut, j'ai le nom du personnage de son premier film. C'est quoi? Le dernier poilu. Ah oui, putain, au fait, il y a un nouveau dans l'équipe. Vous êtes pas au courant de ça? Non, c'est qui? Il y a un nouvel arrivant dans l'équipe, je vous jure, j'ai appris ça cette semaine. Les mecs qu'on les voit grave, est-ce qu'ils ont forcément des grosses couilles? Oui. Est-ce que les mecs qu'on la voit... Ah, monsieur Pavacho. Ah, monsieur Pavacho. C'est pas monsieur Pavacho. C'est Pavacho. Et ça m'a donné une idée, en fait, parce qu'officiellement, tu t'appelles Pavajo. Et j'ai voulu faire une piqûre de rappel. Yeah. Hello. You. Ce son est une dédicace au docteur Pavajo. Vous connaissez docteur Pavajo? Ah, monsieur Pavajo. Non, il est pas dans son cabinet ni à l'hosto. Il est sur Fun Radio, monsieur Pavajo. Et vos gosses le kiffent, monsieur Pavajo. Oui, monsieur Pavajo. Il donne des conseils, monsieur Pavajo. C'est pour les gens dans le vide, monsieur Pavajo. Si vous voulez, on en parle, monsieur Pavajo. Et ça fait 01 42 48 5000. Et ça fait 01 42 48 5000. Mais attendez, comment c'est possible d'être tout le temps à côté? Bravo. Non, mais il chante à côté du beat. Non. C'est ça qui est bien. Ah, oui. Ah ouais, non mais par contre l'idée elle est géniale. Bravo, monsieur Pavajo. Bravo. On est sur une petite prod en fait. On attend maintenant, on s'est mis sur ulule.fr là, on attend une petite pour faire un vrai titre et un vrai son. Bien sûr. Sur ce. Moi, Karel. Je vais le mettre sur ma bande son de répondeur. Tu peux le mettre sur ton CV. Tu peux mettre une bande démo sur ton CV. Donc, allez, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Et puis, bon week-end. Salut, merci, Coco. Merci, Coco. Bravo, Coco. Bravo. Alors, franchement, Coco, il est assuré. On peut j'ai applaudir. Adoré. Alors, c'est vrai. Bravo. Alors, par contre, on sait dorénavant qu'il ne sait pas chanter. Ça, c'est une certitude. Et je comprends pourquoi je l'entendais tout à l'heure dire je pense que c'est peut-être à côté. Il y a un souci de rythme. Il y a un souci. On va appeler ton père. On appelle ton père tout de suite, Coco. C'est le vrai papa. Hein. Il s'appelle Clo-Clo. C'est la vérité. Coco et le papa Clo-Clo. Ah, je sais qu'on l'appelle tard. Hein. Il va peut-être nous engueuler, hein, ton papa. Hein. Allez, Clo-Clo, décroche. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Clo-Clo. Bonsoir, toutes les... Oh, t'entends pas bien, Clo-Clo, t'es toujours en vacances en Espagne? Ah non, je suis à Dijon maintenant. D'accord, alors, Clo-Clo, on t'entend pas terrible, mais est-ce que t'as aimé le zap de Coco aujourd'hui? Ah, c'est de mieux en mieux, là, de mieux en mieux. Ah oui, hein? La dernière musique sur le Doc Pavajo. Oui, d'accord. Ah ouais, c'est énorme. Donc, je te pose la question, Clo-Clo, et c'est une question où dépend l'avenir de ton fils. Voici... ma question. Clo-Clo de Dijon. Oui. Acceptes-tu que ton fils

to be a fight. La la la la la. It's going to be a fight. La la la la la. Kenu Silva sur Fun Radio. Dans pas longtemps, on sera avec Dina, un fétichiste des talons. Interro surprise ! Passe ton examen dans Lovin' Fun sur Fun Radio. Mais d'abord, place à l'examen. Tous les soirs, dans Lovin' Fun sur Fun Radio, vous tentez de gagner votre diplôme Lovin' Fun. Ce soir, de nouveaux candidats tentent leur chance. Il y a Mathieu, 24 ans, de La Rochelle. Bonsoir Mathieu. Ouais, salut l'équipe. Salut, salut Mathieu. Tu sais qu'on a fait les 48 heures Lovin' Fun à La Rochelle ? Ah ouais ? Eh oui, on est venu à La Rochelle. D'ailleurs, on a passé vraiment un bon moment là-bas. Hein. Avec Yann. Mais bien sûr, Yann, notre auditeur gagnant. Et on s'est éclaté à La Rochelle, c'est vraiment une super ville. Ah. Ouais, je suis totalement d'accord. Bah voilà, oui, écoute. Je suis totalement d'accord avec vous. Ah bah, c'est quoi arrivé, donc. Tu viens juste d'un. Il n'y a pas longtemps, donc. D'accord, je te mets un point. Parce que ça ne doit pas être évident d'arriver comme ça dans une ville, de se faire des nouveaux amis et tout. N'importe quoi. Je te mets un point. On s'adapte. J'ai failli te mettre deux, mais je vais te mettre un. Un point en plus pour Mathieu, il est sympa. N'importe quoi. Bonsoir, Stéphouille. Salut. Salut, Stéphouille. T'as 25 ans, t'es à Bordeaux, t'es célibataire ? Du tout. Ah, je t'enlève un point. C'était sûr. Célibataire. Non, vous partez tous les deux à 0-0, je vous le dis tout de suite. Alors. Il va falloir que vous buzziez quand vous pensez avoir la bonne réponse aux questions qu'on va vous poser. J'ai besoin des buzzers. Stéphouille, quel sera ton buzzer ? Ce sera le mot Bazinga. Bazinga ! C'est quoi ça, Bazinga ? Ouais. C'est quoi ça ? C'est le mot de Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Bien sûr, Big Bang Theory, une série que je n'ai jamais regardée. Quelqu'un a vu ou pas ? Oui. Ah, t'as vu Alice ? Oui, moi j'adore. Alice, elle a vu toutes les séries du monde. Je sais que ça a foutre. Ah, bien bah sûr. Oui. Ah, bah voilà. Oui, c'est vrai. Et Mathieu, Mathieu, quel sera ton buzzer ? Moi, c'est Yeehaw. Très bien, ambiance cowboy. Ouais. Ok. On a Et Stéphouille, il se fout de la gueule de ton buzzer, Mathieu ? Grave. Oh, bah, on rira bien qu'il rira le dernier. Oh ! C'est touche. Allez, c'est parti pour l'examen. On y va. Il y a 10 questions, il y a 10 réponses et il y aura un gagnant qui gagnera son diplôme. Top pour la première question, c'est parti. Cette semaine, la police est partie en course-poursuite pour 3 propositions : des tampons, des petites culottes ou des cure-dents. Ouais, vas-y, Mathieu. Des cure-dents ? Mauvaise réponse. Droit de réponse. Non. C'était fouille. Des tampons, des petites culottes ou des cure-dents ? Je dirais des tampons. Et ben voilà, vous avez tous les deux faux. Vous êtes nuls à chier. Des petites culottes ! Mais bien sûr, un couple a été interpellé vendredi dans la Drôme après avoir volé pour 1200 euros de culottes. Ils ont tenté d'échapper à la police lorsqu'ils ont été démasqués. L'homme a refusé d'obtempérer, a essayé de semer les policiers avec son véhicule. Délit de fuite en plus. Il y a un business de petites culottes dans la Drôme. J'étais pas au courant. En tout cas, ça fait 0-0. Quand même, hein. Comment ? Il est culotté. Oh putain. Oh bah là, on mettrait presque un demi-point. Hein ? Il est culotté celui-là. Quelle est la dixième lettre de l'alphabet ? J. Oui, Mathieu. J. Bonne réponse, bravo Mathieu. Eh ben dis donc, Stéphouille, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, bah. Une absence ? Oh, rigole-moi, hein. Mais reste tranquille, hein, quand même, je te le dis. Hein. Tout le monde l'avait dans l'équipe, la lettre J, sauf Kassim, voilà. Ah, oui. Très bien, vrai ou faux, une femme peut tomber enceinte 5 à 8 jours après avoir fait l'amour. Yeah. Ouais, vas-y, Mathieu. Bah ouais. Pourquoi c'est vrai ? Bah le temps qu'il y ait le processus et tout, que les spermatozoïdes arrivent et tout, blablabla quoi. Bah, c'est plus rapide que ça, Doc, normalement. Dès que les spermatozoïdes arrivent, il m'a dit 8 jours à monter. Vas-y, toc, on peut rentrer. Hein ? Non mais le sperme peut en effet survivre dans les glaires cervicales pendant 5 à 8 jours. Oui, il peut être pris dans les glaires si elles ne sont pas complètement... Comment on va dire ça ? Bah, dis-le, Doc. Comme gélifié. Comme gélifié. Bah, du coup, ça peut avancer, mais ça progresse très lentement. Ouais. Eh bien, voilà. Bon. 5 à 8 jours. Je savais pas, moi. Franchement, je découvre des choses incroyables. Nouvelle question. De quelle couleur est le drapeau du Canada. Bien. Ouais, vas-y, Mathieu. Rouge et blanc. Bravo, Mathieu. C'était fouille. Qu'est-ce qui se passe? Il va trop vite. Mathieu, ce soir face à Stéphouille, on fait un petit récap des points, s'il te plaît, Alice. Alors, 3 à 0 pour Mathieu. Bah voilà, ouais. Pour l'instant, c'est une domination de Mathieu. Stéphouille ? Oui. Allez, il faut se ressaisir. Vrai ou faux, les dromadaires peuvent se lécher l'anus ? Bazinga. Ah, Mathieu. Faux. Bonne réponse de Mathieu. J'ai l'impression qu'il va y avoir une pilule pour Stéphouille ce soir. Alors, j'ai envie de dire, c'est déjà gagné pour... Bah, là, il faut un sans faute de Steph, sinon malheureusement, pour mais elle... Parce que moi, j'avais dit Bazinga avant lui. Hein. Non. Désolé, Steph. Non. L'huissier peut te dire que non. Ah, tout à fait. Notre huissier de justice, Maître Pavageau, voilà, le bien nommé, a décidé que non. Non, on entend bien, hein, Stéphouille. Hein. Ça ne sert à rien. Okay. Cette excuse n'est pas valable. Quelle est la capitale du Brésil? Iha. Oui, Mathieu. Rio de Janeiro. Allez, tu dégages. Stéphouille, une proposition? Le Brésil? La capitale du Brésil, c'est le Brésil, bien sûr. Mais non, enfin, et Doc, alors je déteste ce que vient de faire Doc. Il veut montrer qu'il le sait. C'est sûr. C'est quoi, Doc, la réponse? Je sais pas. Brasilia, bonne réponse de Doc. Combien font 19 x 3? Oh là. 19 x 3. Bazinga. Ouais, vas-y, Stéphouille. 57. Bravo, on va applaudir. Bravo, Stéphouille. Eh oui, quand vous avez une multiplication comme ça, vous faites 20 x 3, 60, moins 3. 57, bien sûr. Putain, faites ça avec les 19, là. Rajoutez un. Épeler le mot... Merci Alice. Il faut savoir que c'est moi qui t'ai donné cette astuce cet après-midi, parce que quand t'as vu ça sur l'examen, t'as dit oh, 19 x 3, c'est trop compliqué. Absolument. Mais voilà, mais. T'es vraiment un imposteur. Mais tu me fais évoluer. L'arnaque. Alice. Tu me fais évoluer, tu m'apprends beaucoup de choses. Je suis vachement à ton écoute, Alice. Ouais, voilà. Ouais. C'est pour ça. Épeler le mot langage. Iha. Ouais, vas-y, Mathieu. Mathieu. L-A-N-G-A-G-E. Bravo, Mathieu. Il a eu une petite hésitation, hein. Il a une petite hésitation, ouais, mais il l'a quand même. J'ai pensé à un U, mais non. Ah bah oui, on hein. continue, on y va jusqu'au bout, hein. Même si on sait. C'est pour l'honneur, la gloire, hein, Stéphouille. Vrai ou faux? Au Kansas, la fellation et le cunnilingus sont considérés comme de la sodomie. Iha. Ouais, vas-y, Mathieu. Faux. Stéphouille? Vrai. Bravo, Stéphouille. On applaudit Stéphouille. Deuxième point. Bravo. Des applaudissements nourris. Nous sommes trois dans le studio. Vrai. C'est-à-dire, Stéphouille, en fait, je dis à tout le monde d'applaudir, mais personne ne t'applaudit, Stéphouille. Il n'y a que moi et Doc. On y va. Alors, oui, il faut savoir que c'est vrai, sachant qu'en plus, pratiquer une sodomie au Kansas n'est pas toléré. Vous pouvez finir en prison. Par contre, le doigt dans le cul est toléré. Et ça, ça fait plaisir à Doc. Mais uniquement pour les personnes mariées, puisque je rappelle que Doc ira passer cet hiver au Kansas. N'est-ce pas, Doc? Pas du tout. Bien sûr. En Californie. Ah, ça va. Excuse, ah, putain, comme il se la pète. Ah, Doc, ce soir, il se la pète. Californie. Genre, j'avais la réponse. Hello. Cet hiver, je vais mais en Californie. Mais non, mais tu dis des choses fausses. Je ne vais pas au Kansas. Voilà. Doc ira en Californie à LA, baby. Excuse. Ok, qu'est-ce qu'un mamelon? C'est la 10e question. Bazinga. Ouais, vas-y, Mathieu. C'est un téton. C'est un téton. Doc, tu valides? Un mamelon, c'est un téton? Oui, allez. Non. Le mamelon, c'est attends, pas le téton. Attends. Droit de réponse, Stéphouille. C'est le bout du sein qui est chez la femme. Le bout du sein. Mais alors, écoutez-moi, je n'ai pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'un mamelon? Un mamelon, c'est une partie du sein, non? Je sais pas. Bah, le mamelon, c'est forcément ce qu'il y a au bout du sein, mais il y a le téton et le mamelon autour, quoi. Tu voilà. vois ce que je veux dire? Alors, c'est quoi la définition du mamelon, Alice? Bah, un mamelon, c'est tout simplement, voilà, quoi. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Je suis en train de le toucher, là, mais. Mais l'expliquer, excuse-moi, moi, je suis pas médecin. Bon, alors, Doc va chercher sur un internet alors, et puis va te le dire. Bah oui. Et voilà. Hein. Allez, Doc. Allez, Doc, dis-nous, qu'est-ce que c'est un mamelon selon Wikipédia? La vraie définition, en fait. La vraie c'est définition du mamelon, on le veut, on la veut, on l'attend. C'est parti. Alors, Doc, Kassim. Oui, ça le fera. Le mamelon ou papille mammaire ou téton dans le langage courant. Téton, donc on peut l'accorder à Mathieu alors. Ah bah oui. Bah voilà, et bah écoute, on t'accorde ce point, Mathieu, après maintes et maintes discussions dans l'équipe Alice. Le téton fait partie du mamelon. Ah. Voilà, c'est ça. Mais ouais. le téton est au bout et le mamelon, c'est le tout, quoi, en fait, c'est ça. Écoutez, vous me faites chier avec cette histoire de mamelon. C'est une victoire ce soir de Mathieu. Bravo, ouais Mathieu. Mathieu qui avait dit rira bien qui rira le dernier. Non mais je suis fair play, bien joué quand même. C'est fouille, un truc à dire. Bah il m'a fait pitié, il est arrivé à La Rochelle, je me suis dit bah gagner, ça lui a remonté le moral. Juste comme ça j'arrive de Bordeaux. Mais juste comme ça. Pour la petite histoire, mais avant je suis née à La Rochelle, hein, donc on a une c'est pas vrai. Mais vous êtes frères et sœurs. Attends, en c'est fait. Dingue. Elles sont décollées. En fait, Mathieu est arrivé quand tu t'es cassé, c'était fouille. Hein. C'est ça en fait l'histoire. C'est ça. Non, je me suis barré avant. Quand j'ai su qu'il allait arriver, j'étais... C'était fouille et Mathieu, vous avez été deux candidats vraiment très sympathiques. Et on va vous régaler avec le pack Love in Fun, mais seulement Mathieu aura son diplôme. Et toi, c'était fouille, tu redoubles, tu reviens quand tu veux. D'accord. Il n'y a pas de souci. Hein, merci beaucoup. Et tu veux revenir demain? Ouais. Ah bah tu reviens demain. La revanche de Stéphouille. Voilà, mais c'est vrai, tu redoubles, mais on l'a toujours dit, vous pouvez revenir le lendemain si vous voulez. Donc Stéphouille, je te fais la proposition. Ah bah tu reviens demain. Gros bisous Stéphouille, à demain. À demain, merci. À demain. Salut. Dans un instant, Alice, on va parler de quoi dans l'émission? On a reçu un message de Damien, en fait, il est à l'internat, il est dans une chambre avec trois personnes, mais du coup, il ne sait pas vraiment comment faire pour se masturber en toute discrétion. Donc, si vous avez des astuces, si vous avez été en internat également, ou même que vous avez vécu en coloc, donnez-nous vos méthodes. Où est-ce que vous masturbez? Comment vous faites pour pouvoir être tranquille? Ah, il y en a pas mal qui sont en coloc, en plus, dans l'équipe. Il y a Méloche, il y a Doc. Vous allez dire comment vous faites pour vous masturber, les amis? Restez avec nous. Voici là Luxury, c'est Body dans Love in Fun tous les soirs du dimanche au jeudi, 22h minuit, on est là. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six, you wanna dine in the six. And when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my, finding all my innocence, yeah. Body on my, losing all my innocence, yeah. Body on my. Loud Luxury sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love is Fun. De 22h à minuit, avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. On est dimanche, on est en direct du dimanche au jeudi. On est filmé aussi sur le site de Fun, quand Cassim allume la caméra. Ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est. Putain, on me revoit en train de remettre ma braguette là. Bah ouais, c'est bizarre. Belle bite. Bah non, j'étais aux toilettes. Mais c'est ça la vie d'animateur radio, t'as pas le temps. Ouais, vous pensez qu'on écoute tout le temps les musiques? Ah non, là on est en train de discuter avec des auditeurs qui sont venus assister à l'émission. Voilà, ça fait plaisir. On embrasse Virginie qui est venue ce soir. Et puis on va parler là avec Alice et avec vous tous et toute l'équipe des astuces pour se masturber quand on est en internat, en coloc. C'est valable pour les filles comme pour les mecs, Alice. En fait, on a reçu un message de Damien. Il est en internat. Il est avec trois personnes. Ils sont trois personnes en fait en tout dans sa chambre. Ouais. Et avec les lits pas trop loin les uns des autres. Et du coup, il se pose la question, comment faire pour pouvoir se masturber tranquille, sans réveiller les autres, en étant un peu discret, parce que c'est un peu compliqué. Donc si vous avez des astuces, si vous aussi vous êtes en coloc ou en internat, comment vous faites, où est-ce que vous le faites, est-ce que c'est plutôt salle de bain, toilette, ou même d'autres astuces surprenantes? Déjà, c'est pas interdit de se masturber parce que j'ai entendu quand on écrit les questions de l'examen et tout, on s'intéresse un petit peu à ce genre de choses. Et alors, Doc, tu dois sûrement savoir, à l'époque, dans les internats, je suis pas en train de dire que t'es vieux, Doc, à l'époque, dans les internats, on menaçait les étudiants et tout, on les obligeait à mettre leurs mains par-dessus le lit. Ils avaient pas le droit de le mettre en dessous pour pas se branler. Tu savais pas ça, Doc? Non, mais j'ai pas fait l'internat. Ah, mais non, mais sans déconner. Et la masturbation. En même temps, ils pouvaient pas les surveiller toute la nuit pour savoir si les mains étaient tout le temps au-dessus. Ah, mais bien sûr. Mais ils se faisaient engueuler s'ils mettaient les mains en dessous et tout, quoi. Enfin, c'était une autre époque, hein. Là, maintenant, tout le monde peut se branler quand il veut. Quand tu dors, tu fais ce que tu peux. Bah, déjà, ouais. Alors, on a Diana qui est avec nous. Elle a 25 ans. Elle nous appelle d'Orléans. Bonsoir, Diana. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Bonsoir Diana. Alors, tu as des astuces pour pratiquer la masturbation? Je pense. Après, peut-être qu'elles sont communes à certaines autres personnes, mais. Quelle est ta situation? C'est-à-dire, dans quelle configuration ça peut marcher, ta solution? Alors, si on est en colocation, effectivement. Donc, moi, c'était quand j'étais en colocation. Donc, le soir, quand tout le monde se couche, enfin, on était deux, en fait, hein, quand on se couche. Donc, j'ai deux solutions avant de se coucher. C'est soit on va à la douche avec son petit pommeau de douche quand on est une fille. Ça va, c'est pratique. D'accord, mais on ne met pas le pommeau de douche dans sa foufina, hein. C'est important. Non. On utilise le jet seulement. Ah non, on utilise le jet. On peut varier le jet pour faire plus ou moins intense, on va dire. Bien sûr. Et si on a un adaptateur de jet. Hein. Dans la salle de bain. Ça coûte 5 euros de plus. Hein. J'ai regardé. L'option est top, hein, Diana. J'avais pas celui qui fait plein de lumière. Hein. On aurait pu faire boîte de nuit dans la douche, mais en plus. Mais non, j'avais pas. Ou sinon, alors, parce que quand on est au lit, etc. Donc après, il y a un mode mute. Vous savez, comme sur les télécommandes où on se met en mode silence radio. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai ce que j'appelle Roger, donc c'est mon rabbit, Roger Rabbit. Donc c'est un sextoy. Qui vibre. Voilà, c'est ça, voilà, qui vibre, qui tourne, enfin bon, il fait l'hélicoptère limite, enfin bref. Et le problème, c'est que lui, il est un petit peu bruyant. Donc une fois, j'ai ma coloc qui s'est réveillée, donc j'ai simulé qu'en fait, je recevais un SMS, parce que j'ai dû tout couper d'un coup, donc frustré à mort, quoi. Mais je comprends pas pourquoi vous vous emmerdez comme ça. Vous demandez simplement à votre coloc de vous masturber, puis voilà. Mais elle dormait. Sinon, je lui aurais dit, écoute, tu veux participer. On le fait, on voit qui vient plus vite, etc. D'accord. Donc, trop court. Diana, en tout cas, ça fait pas mal de solutions. Je trouve ça fort. Ah, j'en ai une sinon pour Damien, hein, au cas où. Ah, une pour les mecs. Pour les hommes. Vas-y. Moi, j'avais pensé à la peau de banane et au cas où. Et chaussettes. Enfin, tu vois. Comment? L'objet d'une chaussette. Mais la peau de banane. Ah, une chaussette. Ouais. Et oui. La peau de banane, ça glisse. Ça t'aide à glisser, je pense, tu vois. Ça fait réceptacle pour la purée, entre guillemets. Ah, ça, ok. Ah oui, c'est pour recevoir le sperme, c'est tu tout. Tu refermes, tu jettes tout et hop, on n'en parle plus, quoi. Ah, mais pas la chaussette. Moins. Une banane vaginette, en gros. Banane. Mmh. Non, mais... ouais, voilà. Et après, ni vu ni connu, tu le jettes à la poubelle, pas de mouchoir, pas de preuve. Oui. Voilà. Voilà. Pas dis bête, donc, hein. C'est sacrément tordu, dis donc ça, Diana. C'est parce qu'on n'a pas de table, on imagine des trucs de fou. Non, mais se masturber dans une banane, j'y avais jamais pensé. Oui, ah bah, essaye. Bah, tu vois, pourquoi pas. Et tu regarderas les bananes différemment grâce à moi. Ah, bah, bien sûr, hein. Bah, manger la banane. Et alors. Méloche, attends Diana, parce que reste avec nous, je pose la question à Méloche, parce que ouais. Méloche elle vit en coloc. Alors tu dors dans la même pièce que ta coloc? Dans le même lit. Dans le même lit. Ah. Ah, ouais, c'est ça le délire. Ça c'est compliqué. Alors ça. Comment tu fais Méloche? Je fais pas. Ah tu fais pas. Ah je fais pas, ouais. Définiment. Ah, donc ça fait 555 jours aussi? Non, ah bon. non, quand même pas. Non, elle nous a dit que ça faisait un petit mois qu'elle s'était pas gratté le truc. Mais pourquoi tu le fais pas pourquoi tu le fais pas dans la salle de bain ou des trucs comme ça? Ouais, pourquoi pas, je sais pas, en fait, je suis pas à l'aise quand il y a quelqu'un à côté ou quoi, tu vois. Et tu sais quoi, un jour Méloche, viens chez moi, je te laisse mon appart. Franchement, je vais faire un tour et tout, tu te fais des petits plaisirs pendant une demi-heure à l'appartement et puis franchement ça me fait plaisir. Vraiment Méloche, alors, elle prend l'après-midi. Ouais, c'est ça. Ouais, grave, il faut alors... que je me soulage là. Prends ta journée Méloche, hein, on laisse sa journée à Méloche. Bien sûr, ou alors on sort tous du studio et on laisse Méloche voilà, à l'antenne. On éteint les caméras bien sûr. Alors, un peu de confort, ça fait pas de mal. Bien sûr. Et Doc, comment tu fais toi aussi? Non, tu vis en coloc? Chacun sa chambre à des kilomètres l'un de l'autre. Donc, c'est une colocation dans un château. Donc il se branle. Bien sûr. Donc c'est tranquille. Je rappelle que Doc vit dans le château de Versailles. Bien sûr. Alors on va accueillir Nicolas également qui a des solutions. Alex aussi. Bonsoir Alex. Bonsoir l'équipe, comment ça va? Ça va bien. Alex, masturbateur depuis de nombreuses années. Tu as 25 ans, tu nous appelles de Pau en tant que pro masturbateur. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil, voilà, quand on est en internat, il y a les copains qui sont à côté, comment est-ce qu'on peut faire pour se masturber? Alors déjà, il prend bien son livre, un livre de révision. Il met bien, on va dire, ses genoux, il les plie bien au niveau de dans le lit, donc il se plie avec les genoux, oui. Il met la couverture dessus, et puis ben là, il fait sa petite affaire tranquille, mais surtout qu'il n'oublie pas les mouchoirs. Ah ouais, donc en fait, j'ai compris, tu caches l'érection avec les genoux bien pliés pour lire ton bouquin, et t'as une main derrière le bouquin, quoi. Voilà, c'est ça. Très très bonne technique. Mais faut quand même tourner les pages, sinon c'est louche. Ah. Ouais, voilà, ben, de temps en temps, tu tournes la page pour dire, mais bon... Et alors, voilà. C'est encore mieux si tu mets un petit bouquin de cul par-dessus le magazine, quoi. Et tu mets un trou dans ton bouquin. Tu fais doubler, ouais. Tu fais pas peut-être pas un trou dans le bouquin, mais tu mets deux bouquins et puis tu mets bien devant et puis tu fais ton affaire, quoi. Bah après, si t'es surpris et que on voit le bouquin. Ouais, donc autant fermer les yeux. Enfin ouais, mais tu dois lire. Attends, t'as autre chose, Alex? Bah sinon, le classique, hein, tu vas dans les toilettes et puis voir, quoi. Tu fais ton affaire. D'accord, et quand tu vas dans les toilettes, tu fais ça comment, toi? Ah ben moi, je me mets debout et puis c'est branler popole et allez, c'est parti. Hein. Ouais, mais tu te branles et tu finis dans la cuvette. Voilà. Donc t'es en train de tu te penches et tout, c'est ça, et après... tu poses à quelqu'un que t'as envie, tu fais ton mouchoir. Attends, je veux Kassim et tout, je suis persuadé que Kassim, il met une main sur le front, là, et hop, il fait rentrer le truc là-dedans. Ouais, la technique, c'est qu'il faut bien fléchir les jambes, les genoux, tu vois, c'est comme quand tu fais du ski en touchouse, quoi. Ah, tu fléchis un peu. Position touchouse. Tu mets ta teub vers le bas et tu jutes dans les chiottes, quoi. Oh là là. Allez, sinon, tu risques d'en mettre partout. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bah, on comprend pourquoi parfois les toilettes de Fun Radio sont un peu blanches. Ils sont grands, c'est bien. Comme ça, tu peux poser ton magazine juste au-dessus. En fait, il y a plein de fois où nous, les filles, on pense qu'on s'assoit sur votre pisse parce que vous savez pas viser, mais ça se trouve, c'est juste du sperme que vous laissez sur la cuvette. Quoi. Mais quelle horreur. Non, mais c'est vrai. Finalement, on en apprend ici. Il y a que Kassim qui fait ça. Dorian, notre auditeur du soir. Dorian? Ouais. Dorian, toi, t'es en internat ou pas, toi, Dorian? Non, mais moi, je suis en coloc avec ma copine, donc bon, j'ai pas vraiment ce souci-là, quoi. Ah bah ouais. Mais ceci dit, après par expérience de branlette, on va dire, hein, je peux quand même donner quelques astuces. Bon, déjà, ce qu'il faut, en tant qu'expert, hein, quand même, hein, c'est déjà, il fallait, dès le départ, quand il est arrivé dans la pièce, voir quel lit était le mieux disposé. C'est-à-dire ne surtout pas prendre le lit du centre. Parce que le lit du centre, il est coincé de tous les côtés, donc il peut pas se branler tranquillement. T'as tellement raison, quoi. Ah, putain, la technique. Pour réfléchir à tout avant d'arriver à poser ses affaires. Dès le début, il fallait déjà choper le bon lit. Mais le lit branlette, bien sûr, celui où on peut genre tu te tournes un peu sur le côté et tout, plop, plop, plop. C'est ça, exact. Et donc, s'il est droitier, par exemple, il se tourne du coup vers la gauche, donc il faut qu'il prenne le lit, ça dépend comment c'est disposé, mais de façon à ce qu'on le voit pas. Du coup, il se met sur le côté, Et puis là, là, voilà, là, tranquille, il fait son truc. Luminosité la plus faible sur le téléphone. Bien on sûr. A les petits Kleenex à côté. Et puis, c'est une histoire qui roule, quoi. Ah, putain, Dorian. C'est bon, toi. Hein. Faut pas faire trop de bruit. Merci pour ton coup de pouce dance floor. Le bruit du mouvement. Ah oui, y a pas de souci. Bien sûr. Faut pas faire beaucoup de bruit. Mais bon, ouais. Là, il faut juste respirer tranquille, quoi. Parce que c'est sûr que si tu fais une branlette rapide, là, tu t'essouffles, quoi. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire tranquillement, mais luminosité vraiment faible, quoi. Alors, on sent que ça te passionne, Dorian. Alors, t'es pas tout seul. Il a écrit un guide. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de réactions. Hein, mais Nicolas nous rejoint. Il y aura Diana aussi. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir à toi Nicolas, une petite bonsoir technique. Oui, bonsoir Nicolas, bienvenue. Moi, salut. C'est une technique comme une autre, après moi c'est plutôt le culot. Le culot Ouais, le culot carrément. Bah écoute, je propose à tout le monde directement un petit jeu, le jeu de la biscotte. Ah, le jeu de la biscotte. Bien sûr, alors Nicolas, donc, en quoi consiste ce jeu, s'il te plaît, en parlant bien fort dans ton téléphone? Alors, jeu très très simple, tu prends une biscotte, tu la poses au centre de tout le monde, tu fais un cercle. Et le dernier qui arrive à cracher, bah, il mange la biscotte. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà mangé une biscotte? Oui, mais pas ce goût-là, Et est-ce que tu l'as vraiment fait ce jeu ou pas, Nicolas? Ouais, j'ai pu y jouer, c'est bizarre, ouais, maintenant, voilà, mais ouais. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est un jeu dont j'ai entendu parler notamment chez les rugbyman. Hein, c'est paraît-il un jeu qui se faisait, hein, ou qui se fait peut-être encore. Et c'est quand même un truc genre Doc. Est-ce que on peut manger les semences de 5 hommes sur une biscotte sans avoir un gros problème derrière? Bah attends, tu te poses la question quand tu vois un boukake avec une meuf au milieu de 5 tubs? Bon pardon, non, mais je regarde pas ces vidéos là, moi ça me choque. Non mais hein. Tu vois ce que je veux dire. Non mais est-ce je que sais vous pas. Posez la question quand c'est la fille qui avale? Ah et moi est-ce je. Est-ce que ça peut être dangereux de manger la biscotte? Vous comprenez, je suis un homme, je suis fragile. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ah non mais tu vas pas tomber enceinte, hein, t'inquiète pas. Alors hein. Reste bien là. Ah mais moi je. Ah mais moi à aucun moment j'ai imaginé qu'une femme pouvait faire ça, hein. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, non, vraiment. Mais non, mais le sperme. Il n'y a aucun souci, à rien. Non, mais mélange de tous les trucs et tout. Non, bah non. Non. C'est toujours et des protéines, et du sucre, et des enzymes, etc. C'est juste et pas les tiens, mais ça ne change pas. Tu le faisais où, Nicolas, ça? Ben moi, ça m'est arrivé, c'était en détention en prison. En détention? Attends, genre, vous faites le jeu de la biscotte en détention? Ouais, on était en cellule double, on était à 5 dans la cellule, et à la base, c'était lancé sur un pari. Après, tout le monde avait cette petite envie, et voilà, ça roule, c'est le même, mais pas pour celui-là qui l'a mangé, quoi. Ah ben putain, Nicolas, heureusement que tu l'as pas bouffé, hein, parce que moi, franchement, moi je perds, je la bouffe pas la biscotte. Hein. Ah ouais, ça... bah après en détention, faut la bouffer, hein, y a pas le choix. Mais, ah ouais. Moi, pardon, j'ai eu la chance de pas la bouffer. Mais là, t'es en train de bouffer ton téléphone, par contre, ouais. C'est bien gênant. Hein. On t'entend pas trop, Nico, mais c'est cool d'avoir appelé en tout cas, merci grave. Beaucoup. Et merci à tout le monde, vous avez donné des bonnes astuces ce soir. Oui. Voilà. Ça va se branler dans tous les sens. On est fiers de vous. Hein, et n'oubliez pas de bien choisir le lit de la personne. Hein, oui. Voilà, c'est important. 01 42 48 5000 tous les soirs sur Fun Radio. Dans un instant, on sera avec Dina, fétichiste des talons. Bonsoir Dina. Bonsoir, salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut. Bah, je suis totalement déçu, je m'attendais à une fille là. Dina est un homme. Dina. Ouais, je suis désolé. Bah, ouais. Donc voilà, effectivement, je suis fétichiste des talons. Très bien. Eh bien, tu vas nous parler de cette magnifique passion pour les talons. J'imagine que faire l'amour sans talons, c'est compliqué. Tu vas tout nous expliquer. Le fétichisme, qu'est-ce que c'est? On va tout vous dire. Et on va revenir avec Black Coffee sur Fun Radio. Black Coffee et Drive, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Lovin Fun. Cette semaine... Votre mission est de jouer au double fun. Seuls les meilleurs des meilleurs gagneront le jeu le plus attendu. Call of Duty Black Ops 4. Go, go, go, go! Dès que vous entendez le double fun avec Calvin Harris et Dinoro mixé à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Gagnez votre PS4 plus le jeu Call of Duty Black Ops 4. La mission double fun, exclusivement sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW par des spécialistes. BMW Service, des experts passionnés au service de votre BMW. Et jusqu'au 14 décembre, profitez de tarifs préférentiels si votre BMW a plus de 5 ans et de 50 euros de remise supplémentaire pour tout rendez-vous en ligne. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération. Détails sur bmw.fr. Écoutez Fun Radio partout dans le monde sur funradio.fr. Soyez tous les bienvenus sur Fun Radio tous les soirs, hein, du dimanche au jeudi. On squatte Love in Fun sur Fun Radio, bien sûr, tous les soirs avec Doc, avec Ali, je m'appelle Karel. Et on a la chance d'accueillir Dina qui nous appelle au 01 42 48 5000. Un numéro de téléphone gratuit. Hein. Vous pouvez, ici, c'est pas du tout un numéro surtaxé, hein, pas du tout. Au contraire, c'est pas plus cher qu'une communication locale et c'est gratos. Donc profitez-en. En plus, Dina, rassure-nous, on t'a rappelé hein, pour passer à l'antenne, Dina. Oui, tout à fait. En appelant Love in Fun, vous n'avez aucun souci avec votre forfait. Voilà, on devrait faire un petit jingle là-dessus. Tu nous appelles de Caen. C'est bien ça. T'as 25 ans et tu veux nous parler du fétichisme des talons. C'est bien ça, tout à fait. On t'écoute. Donc, comment expliquer, c'est pas tout à fait un accessoire vraiment utile, mais j'avoue que je trouve un peu de plaisir dans les préliminaires. Avec quelques caresses via les talons et autres, ça change toujours un peu. Et pour moi, ça amène un petit côté plaisir supplémentaire. Tu veux dire qu'elle peut te caresser le gland avec ses talons? Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'elle peut t'écraser les couilles aussi avec? Non, non, pas du tout. Je suis pas non plus sur le côté SM de la chose, mais plus dans le côté vraiment soft, garder le côté caresse, vraiment quelque chose de câlin. Donc quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de faire l'amour, tu lui demandes si éventuellement elle a des talons dans sa oui, garde-robe et de les mettre, quoi. Non, pas forcément. Je veux dire que c'est pas une généralité que je fais sur ça. Je fais très bien m'en passer pour la majorité du temps. Donc t'es pas mais fétichiste que... Non. T'as juste un coup de cœur sur les talons et ça t'excite, c'est un petit plus pour toi, quoi. Mais t'as pas besoin de ça absolument pour avoir un orgasme et pour prendre du plaisir et pour être excité. Oh mon Dieu! Oh, il est... Oh mon Dieu! Il s'est transformé. Un coup de talon sur la tête. Et là, il nous a quitté. Dina? Oui, je suis toujours là. Tu t'es fait parasiter, Dina. Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait le con avec un talon, toi? Non, pas du tout. Pour l'instant, j'en aurais pas l'occasion, donc. Et est-ce que tu t'es déjà masturbé dans une chaussure? Oui, tout à fait. Sur ça, je le cacherai jamais, oui. Bien sûr, et c'est important si c'est une si c'est un talon rouge, est-ce que c'est un bon talon pour toi? Le talon rouge, est-ce que ça te fait kiffer ou pas? Est-ce que t'as des talons que tu préfères? En fait, c'est ça. Est-ce qu'il faut obligatoirement des talons? Non, vraiment pas obligatoirement sur ça. Je veux dire que c'est pas une obligation que des talons. Voilà, je veux dire que oui, ça me fait un peu plus d'effet. Oui, on t'entend très très mal, Dina. Si ouais. Tu veux, là, c'est peut-être mis un talon dans ton téléphone, je ne sais pas. Ça fait juste partie de tout l'éventail des trucs qui t'excitent. Il y a celui-là, entre autres. Voilà. Oui, bon, c'est pas vraiment du fétichisme. Le fétichisme ne peut pas faire autrement. C'est pratiquement obligatoire. C'est les trucs qui l'excitent le plus. Et il doit y avoir à chaque fois. Il peut pas faire sans. Enfin, c'est quand même beaucoup plus prégnant que chez toi. Toi, tu dis, OK, ça fait partie de mon arsenal, mais bon. Est-ce que c'est quoi ta question quand tu viens nous en parler? Tu viens nous parler de ta passion ou tu te poses une question par rapport à ça? Ouais, ça te dérange ou pas? Je me pose dans un sens, oui, parce que je me demande si c'est tout à fait normal d'aimer ce genre de choses. Et puis je me dis que ça peut poser parfois certains problèmes. Quand je dis à ma compagne, j'aimerais bien qu'on le refasse une fois avec les talons, ça peut changer. Et j'ai l'impression certaines fois qu'elle y trouve pas vraiment de plaisir à ajouter ce petit accessoire, quoi. Ah c'est sûr que c'est ton truc à toi, ça l'est peut-être moins à elle, si elle le fait c'est peut-être pour te faire plaisir, voilà, c'est peut-être pas son kiff particulièrement, elle en a peut-être d'autres. Si tu lui demandes ça, qu'elle le fait gentiment, et que toi tu sais aussi lui faire plaisir à d'autres fois où elle te demande quelque chose, même si toi c'est pas ton truc, voilà, c'est un équilibre, c'est pas très grave. Hein, maintenant si à chaque fois tu lui demandes, toutes les fois où vous avez un rapport, toutes les fois il faut mettre des talons, et qu'elle aime pas ça, c'est sûr que ça devient ennuyeux, mais ça a pas l'air du tout d'être le cas. Donc non, ne t'inquiète pas, ça a l'air de faire partie de ton arsenal érotique. T'aimes ça, entre autres, et tu lui demandes des fois. Moi, ça me semble jusque-là pas grave, en tout cas. D'accord, parce que je veux dire, ça arrive, pas régulièrement, mais c'est occasionnellement que... Dina, c'est juste un kiff. Et qu'il arrive... Il arrive parfois que ce soit des petits plaisirs solitaires avec ce talon et tu fais sans plus. Et alors, ça t'appartient, tu fais ce que tu veux, tu vois. En fait, nous, on voit aucun problème, Dina. Vraiment. Surtout dans la configuration dans laquelle tu fais. Voilà. Mais ça a l'air de te gêner, en fait. On dirait que t'oses pas forcément relancer ta copine. Est-ce que t'as honte de pratiquer ce genre de truc? Oui, quand même un peu, parce que je me sens vraiment extrêmement différent des autres et je trouve pour moi que c'est un gros inconvénient d'avoir ça en arsenal. C'est pas différent. C'est pas différent que les personnes qui kiffent, par exemple, des fellations ou telle position, qui kiffent tirer un peu les cheveux ou qui kiffent mordre ou griffer pendant l'amour. Tu n'es pas différent des autres. Voilà, c'est juste un truc qui t'excite en particulier avec ta copine, avec tout ça. Donc faut pas que t'en aies honte. Et si en plus t'as la chance d'avoir une copine qui est assez joueuse et qui est ok pour faire ce genre de choses avec toi, et fais-le. Et puis, tu vois bien, elle a le caractère suffisant pour te dire quand elle n'a pas envie de le faire. Donc, c'est pas grave. Faut pas que t'en aies honte. Oui, il faut vraiment que tu saches. C'est très, très, très, très fréquent. Et dans cette grande fréquence, il y a vraiment beaucoup d'hommes qui font beaucoup plus que ça avec les talons. Hein, après, c'est vrai qu'il y a souvent des jeux de domination-soumission. Un talon, ça peut vite finir dans un cul. Hein, ça, c'est vrai. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi les jeux de domination-soumission où ça peut aller un peu plus loin. C'est même pas ton cas à toi. Toi, tu vas même pas vers ça. Donc vraiment, te prends pas la tête pour ça. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Il y a aucun souci. Tu es normal. Bah, gros bisous à toi en tout cas et merci d'avoir appelé. Alors avant de terminer l'émission, parce que là Coco vient de lui raccrocher à la gueule. Hein, si. Rappelle-le. On va finir l'émission avec lui. On va accueillir Damien, 16 ans de Pau, qui a une petite question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir Damien. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Bonsoir Damien. Dina s'est fait raccrocher à la gueule par Coco du standard. C'est pas possible. On va récupérer. Dina est là ou pas? Dina? Ouais, je suis là. Dina, ne t'inquiète pas mon poulet. T'as tout entendu de toute façon, hein? Oui, tout à fait. T'es normal. Et essaye la charentaise. Et ou le sabot. Le sabot, ça c'est pas mal. Fais-toi un petit kiff avec une bonne botte aussi. Les bottes. Non mais c'est vrai. Non mais varie les plaisirs, c'est bien. Mais bien sûr, voilà, il faut essayer. Il faut essayer de nouvelles choses. Hein, et tu reviens quand tu veux, en tout cas, Dina. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Gros bisous. Gros bisous, Dina. Salut. Et on va donc retrouver Damien pour sa question à la con. Damien. Ouais. Damien, quelle est ta question à la con ce soir? Eh bien, figure-toi que l'autre jour, j'ai avalé un glaçon, mais je n'ai pas vu ressortir en allant aux toilettes. Est-ce que c'est normal? T'es con ou tu fais exprès, Damien? Faut que tu consultes vite. Hein. Même moi, j'ai la réponse à cette question. T'es pas allé aux urgences? Non. En plus, c'est gros, ça peut être grave. Hein. Ah bah ouais. Oui. Non, mais vraiment, un glaçon en entier, Damien? Oui. Oh là là. Oui, mais ça passe entier. Pas, ça passe pas, ça. Bah ouais. Ça fond. Mais alors non, en fondant, ça passe. Ça fond, Doc. Oh, c'est pas possible. Putain, on est belle. Alors, du coup, ça ressort en quoi? Ça ressort. ça ressort. Ça ressort en urine. En urine. Bah, voilà, bien sûr. C'est de l'eau. Hein, ah voilà. Je rappelle. Ah voilà, Damien. Eh. Est-ce que tu veux rajouter à ça, toi? Vas-y. Est-ce que c'est possible que quoi? D'avoir un cadeau? Ouais. Avec cette question de merde. Mais tu déconnes ou quoi? Jamais. Je vous écoute depuis le début. J'en ai rien à foutre. Allez, d'accord. Évidemment, Damien, on va t'envoyer un beau cadeau pour ta question à la con. Merci au fait pour m'avoir aidé avec Isabelle. Si vous vous en souvenez. Absolument. 23 décembre 2000. non, vas-y, rappelle-nous, Damien, parce que là, pour le coup. Elle avait dit que je la tapais et tout. Je sais pas si vous en souvenez. Ah, elle l'avait dit que tu la tapais. Ouais, bah, il va falloir maintenant que tu rentres un peu dans les détails, parce que si tu la tapais, c'est pas bien. Non, mais en fait, je me suis engueulé avec elle et elle avait dit à tout mon bahut que je l'avais tapé et tout. Le mec, il y avait tout mon bahut qui était contre moi. D'accord. Ah oui, exact. Okay. Mais en fait, tu l'avais juste harcelé, pas tapé, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais ça reste quand même quelque chose d'assez chiant. Hein. Mais on en avait parlé avec elle, je crois, hein, Damien. Bah oui. Oui, même qu'elle a fait son immature. Elle avait fait son immature. Mais toi, t'étais pas mieux non plus. Hein, avec ta question de merde, Damien. Si je me souviens bien. En tout cas, heureux que vous alliez mieux tous les deux. Et c'est ça le principe. Mais non, mais je lui parle plus. Mais c'est bien, tu l'as laissé tranquille. Exactement. Maintenant. C'est mieux. Exactement, Damien. Chacun de son côté, tu vois, à un moment donné, quand on ne se supporte pas, bah, chacun va de son côté, tu vois. Tu nous fais peur, Damien. Allez, Damien, m'attends, Damien, il est temps de t'en aller. Hein, Et arrête les glaçons. Et stop les glaçons, absolument. Salut, mon Damien, ciao à toi. Salut, bisous. Gros bisous. Et on va remercier Dorian, notre auditeur du soir, avec nous depuis 22h, avant de retrouver Mikosé pour le Party Fun Deep, profond, très profondément ce soir. Dorian, on te laisse l'antenne, vas-y, amuse-toi. Ouais, donc déjà, je voulais vraiment vous remercier toute l'équipe. Donc déjà, les émissions, ça m'a au moins permis d'apprendre que Karel avait une grosse bite. Hein. Donc, absolument. Ça peut vachement être utile. Oh, je m'en suis jamais caché. Deux bonnes heures. Donc voilà, après je voulais remercier spécialement ma copine, ma famille, Maxime, mon cousin et aussi mon pote, Lorek, les anciens de la Terminale 8, les gens de Malataverne et de Montélimar. Ça m'a fait beaucoup plaisir de repasser, je vous remercie vraiment, c'était une super émission comme d'habitude. Ok. Et voilà. Bah voilà, Dorian. Bah, merci à toi, t'as été merci top. À toi. Je t'ai trouvé hyper à l'aise et tout à l'antenne, Dorian. Vraiment, des bons conseils et tout. Je suis déjà passé une fois avec vous. Hein. Et alors, c'est pas mon problème. Alors, t'as tout appris la première fois, hein, c'est pour ça. Ouais. Non, mais bravo à toi. Ouais, non, mais c'est cool, hein, franchement. Ici, vous venez partager 2 heures avec nous tous les soirs. On vous offre aussi cette possibilité. Voilà. Ouais, et bah, t'as vraiment assuré. Merci beaucoup, Dorian, et à très vite sur Fun Radio. Bisous. Salut. Gros bisous et vous, j'espère que vous profitez bien des vacances. C'est l'occasion d'écouter Fun Radio voilà, jusqu'à pas d'heure et notamment d'entendre Mikosé. Mikosé qui a participé au déménagement de Cassim ce week-end. Les nouvelles vont vite. Ah, mais bien sûr, non, mais j'ai vu la photo, mais alors comment tu t'es retrouvé au déménagement de Cassim? Je suis tombé par hasard, je faisais mes courses samedi matin. Je vois un camion, des cartons, un mec bizarre. Je me dis, tiens, un cabriolet. Et en fait, non, c'était Cassim qui déménageait. T'habites juste à côté de chez lui, en fait. Bah, j'habitais du coup, puisqu'il bah, s'en voilà. Va. C'est vrai. Ah, il, salaud, en fait, ouais. Il pouvait plus te saquer. Ouais, hein, donc, il nous a dit, j'ai micossé, c'est mon voisin, je veux me barrer. Il mixait trop fort le soir, j'arrivais pas à dormir. Insupportable, quoi. Bah, j'étais obligé de mettre de la musique, il fait des bruits insupportables. La musique, ça me... Ah, mais j'imagine. Ah, ouais, non, mais vous étiez pas à côté non plus. Non. On va pas se le cacher. 50 mètres, ça va. Voilà. Et bah, en tout cas. Félicitations, bravo, parce que je sais que voilà, faire un déménagement avec Cassim, donc il n'y a pas de petit four, il n'y a rien. Nous, on ne l'aurait pas fait, on ne l'a pas fait, tu vois bien. Merci Miko. Nous, on a dit non parce qu'on savait à quoi s'attendre avec Cassim. C'est-à-dire aucun remerciement, aucune gratitude. Bravo. Il t'a remercié? Bah non, je suis parti avant. Ah bah voilà. Ah bah, il est parti pendant. Eh ben t'as bien fait. J'avais une émission de radio préparée. Eh ben bravo. Et cette émission, voilà. Elle démarre maintenant. Oui. Partie Fun Deep jusqu'à 1h du mat. Éclate-toi bien, Miko. Et nous, on se retrouve demain sur Fun Radio dès 22h. Bisous. À demain. Bisous. Allez, bisous tout le monde. À demain. Ladies and gentlemen, welcome. Feel this sensation. The deep, the party, the fun. Come on and feel it. Try it. Come on and live it. Party Fun Deep with Miko C. Le petit rendez-vous du dimanche soir, minuit 2 en direct. Partie Fun Deep, saison 4, épisode 10. Et on profite pour prolonger le week-end et pour prolonger les vacances aussi, ça marche aussi pour vous. Jusqu'à plus d'une heure du matin, vos sons préférés dans Partie Fun Deep avec Sébastien Camillo, avec The Prince Karma, le remix de Little Bitches. Il y aura un petit remix Deep House de Toto Africa également dans le quart d'heure. Et pour démarrer, Golin et voici Calvin Harris avec un petit remix de Promises. Bon, on a des nouvelles. Partie Fun Deep jusqu'à plus d'une heure du matin. Les amis, on y va comme ça. Je m'appelle Miko C. Welcome and bar. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings.